les syndicats autour de la table cet après-midi pour évoquer le dossier Caterpillar. Les syndicats espéraient avancer sur des conditions de prépension. Ils en seront pour leurs frais. Rien ne sera dévoilé pendant la procédure Renault. Il ne faut pas donner d'armes à la direction de Caterpillar avant la négociation. Une négociation qui a commencé ce matin. Le procès Westphal dans une semaine tout pile. Le président de la cour d'assises a remis l'acte d'accusation aux journalistes. 45 pages selon lesquelles Bernard Westphal est bien l'auteur du meurtre de sa femme Véronique Pirotton en octobre 2013. Vous cherchez un cote en urgence, pas de précipitation, il faut faire attention aux arnaques, il y en a en ce moment. On tentera de déjouer les pièges dans un instant avec Olivier Bogart de la Computer Crime Unit. Et puis on se réjouira encore du beau temps, on annonce des records demain et après-demain. Et vous, eh bien ça vous plaît beaucoup. C'est excellent, hein, on ne demande que ça, hein, que ça continue encore un peu, quelques jours comme ça. Hein. Et nous non plus, on ne s'en lasse pas. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, une école primaire et maternelle évacuée à Saint-Gilles. Oui, on vient tout juste de l'apprendre. 500 élèves ont été évacués de l'école Peter Pan à Saint-Gilles. 3 élèves et une femme de ménage ont été brûlés et emmenés à l'hôpital, brûlés par des produits chimiques. À l'origine, un mélange justement de produits chimiques utilisés par des pompiers appelés sur place. Quelques détails avec Marie Verbeek, la porte-parole de la zone de police midi. Les égouts de l'école étaient bouchés, donc une société privée est venue mettre un produit pour déboucher ces égouts, mais malheureusement le produit s'est mélangé à un autre produit, ce qui a fait que ça a fait un mélange corrosif, et ce mélange a fait fondre un tuyau qui passait au-dessus d'une classe. Le tuyau a goûté et les élèves, certains élèves ont eu des petites gouttes sur leurs bras, ce qui fait qu'ils ont été légèrement blessés. 3 élèves donc et une femme de ménage légèrement blessée. Interview signée Hélène Mackay. Cette rencontre entre les syndicats et les ministres wallons et ministres fédéraux, et pour une fois, il ne s'agit pas de grève ou de mouvement de protestation, ils se réunissent pour discuter d'un même dossier. Oui, pour une fois, ils sont même plutôt sur la même longueur d'onde, hein, puisqu'ils évoquent le dossier Caterpillar. Et depuis l'annonce de la fermeture de Gosselies, patrons et syndicats s'indignent en même temps. Alors cet après-midi, le Front commun syndical a demandé au ministre de s'engager contre les traités internationaux qui risquent de handicaper à l'avenir les relations de travail. De son côté, Chris Peters a appelé que rien ne serait dévoilé sur les éventuels efforts du gouvernement fédéral en matière de prépension. Cela donnerait, dit le ministre de l'économie, une marge de manœuvre à la direction de Caterpillar dans sa négociation. Et ce serait pareil pour toute autre décision qui pourrait donc court-circuiter les négociations lors de la première phase de la loi Renault, c'est ce qu'a expliqué Chris Peters. Avant cela, ce matin d'ailleurs, la première réunion de la procédure Renault a eu lieu, c'est la première d'une longue série. Avant de négocier, c'est la phase d'information et de consultation. La première bonne nouvelle, c'est que les syndicats et la direction de Caterpillar se parlent. Thierry Hansen, le patron de Caterpillar Gosselies, n'a pas fui les caméras et les micros à la sortie de cette première réunion. Alors, les réponses, nous n'avons pas à ce stade toutes les informations, mais en tant qu'administrateur délégué, je vais m'efforcer d'avoir toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions, pour comprendre la situation, et aucune piste ne sera négligée. Donc effectivement, c'est mon rôle d'aller chercher les informations. Ce qui est certain, c'est que tout le personnel, et ça il faut le réaffirmer, tout le personnel, et je pense la direction également, nous avons fait exactement ce que nous devions pour positionner le site de façon compétitive. Il y a des efforts remarquables qui ont été faits. Donc dans ce contexte, c'est très difficile à comprendre et aussi à accepter. Donc le but de cette procédure, c'est de comprendre. Accepter cette autre chose, c'est très évidemment difficile pour tout le monde. Thierry Hansen, le patron de Caterpillar Gosselies, avec Mathieu Van Winkel, c'est bien lui qui sera l'interlocuteur des syndicats durant toute la procédure. Elle durera vraisemblablement des mois. Prochaine rencontre fixée le 22 septembre. Dans une semaine tout pile, le procès d'assises le plus attendu de l'année aura commencé à Mons, le procès de Bernard Westphal. Oui, il est accusé d'avoir tué son épouse, Véronique Pirotton, la nuit du 31 octobre 2013, il y a bientôt 3 ans. Le procès d'un parlementaire qui était encore en exercice au moment des faits, c'est assez exceptionnel. Alors aujourd'hui, le président de la cour d'assises a réuni les médias et il leur a remis l'acte d'accusation, c'est-à-dire ce que la justice reproche précisément à Bernard Westphal. Fabrice Gérard, cet acte d'accusation fait 45 pages et vous allez nous le résumer en quelque sorte. Un bon tiers du document est consacré au portrait psychologique de la victime et de l'accusé. Véronique Pirotton d'abord, jeune femme brillante, à l'enfance difficile, rejeté par son père, abusé par l'un de ses professeurs et qui oscillait depuis quelque temps entre abus d'alcool et tentatives de suicide. Bernard Westphal, ensuite, fils d'ouvrier, éduqué par un père autoritaire et qui lui aurait fait fuir toute forme de violence au cours de sa vie. Cet acte d'accusation, c'est aussi les événements tragiques du 31 octobre 2013 dans un hôtel d'Ostende, les différents témoignages, les expertises, les contre-expertises effectuées notamment sur le corps de la victime, ainsi que le rapport du psychiatre qui s'est penché sur la personnalité de l'ancien député wallon. Au final, c'est donc la thèse du meurtre par étouffement que retient le ministère public, une thèse fermement contestée par l'accusé. À ce titre, l'avocat de Bernard Westphal est en train de finaliser ce que l'on appelle un acte de défense d'une quarantaine de pages, un document dans lequel il soutient que la mort de son épouse est due à un abus d'alcool et de médicaments. Et aux assises de Liège aujourd'hui, le procès d'un père et de son fils d'origine indienne. Ils sont accusés d'avoir tué un jeune sikh. La victime était amoureux de la fille et de la sœur des accusés, deux amoureux qui n'étaient pas de la même caste. Ils avaient caché leur liaison. La jeune fille était promise à un mariage forcé en Inde. Les faits remontent à plus de 11 ans. Ce matin, après la lecture de l'acte d'accusation, la défense a immédiatement évoqué le dépassement du délai raisonnable. Trop tard, dit la défense, pour juger cette affaire. Le procès se poursuivra demain. En justice encore, le procès des deux membres du club de motards Kamikaze Riders. Il a commencé donc devant le tribunal correctionnel ce matin. Les deux hommes sont poursuivis pour participation aux actions d'un groupe terroriste. Ils étaient suspectés d'un projet d'attentat à la Grand Place de Bruxelles. C'était fin 2015. Patrick Michal. Une accusation abandonnée aujourd'hui par la justice, mais il ne fait déjà plus aucun doute que les deux prévenus partageaient les mêmes idées extrémistes. Très habilement, le président du tribunal, au fil de la journée, a amené le principal prévenu, Saïd Saouti, à reconnaître ses propos échangés sur les réseaux sociaux. Oui, il reconnaît avoir écrit un poème à la gloire du djihadiste Mohamed Merah. Oui, il reconnaît avoir poussé ses contacts musulmans à partir vers la Syrie. Même après les attentats de Paris, vous continuerez à écrire des propos extrémistes, dira le président, qui lui rappelle à l'audience un épisode précis, avec ce correspondant sur Internet qui l'interroge sur l'islam et le droit de tuer des femmes et des enfants. Votre réponse en dit long sur votre état d'esprit, dit le président. Vous répondez que c'est interdit, sauf si la religion est attaquée, et si l'ennemi tue lui aussi femmes et enfants. Et vous ajoutez, quoi qu'on fasse, on est loin du compte, ils en tuent 10 fois plus. Saïd Saouti, qui jusque-là eut réponse à tout, esquive, évoquant des regrets sincères et une prise de conscience intervenue depuis son arrestation. Si je comprends bien, le jour de votre arrestation, le 27 décembre, c'est un peu votre jour de chance, conclura ironiquement le président du tribunal. En bref, encore, on vient de l'apprendre, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle dans un café de la place de Carnion, c'est près de Mons. L'homme a été abattu lundi vers 13h. La victime était assise à l'intérieur du café lorsqu'elle était abattue. On n'en connaît pas beaucoup plus sur les circonstances de ce meurtre. Toujours est-il que la place de Carnion a été mise sous sécurité. Attention, arnaque, vous cherchez peut-être un cote à Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, soyez vigilants. Ouvrez l'œil et le bon, parce que si vous cherchez un cote en ce moment, c'est forcément que c'est très très urgent. La rentrée universitaire, c'est cette semaine. Eh bien, les gens malhonnêtes le savent et ils en profitent. Avec nous, Olivier Bogart de la Computer Crime Unit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi cette arnaque ? Ben, en fait, ce sont des annonces dont les arnaqueurs vont récupérer les contenus, j'entends les images, puis ils vont proposer une autre annonce en présentant l'appartement comme une opportunité exceptionnelle, généralement parce que voilà, la personne qui l'occupait doit partir assez rapidement, et surtout offrir un loyer qui est tout à fait intéressant par rapport à ce qui est généralement pratiqué. Alors on demande un acompte, j'imagine, sinon il n'y aurait pas arnaque. Alors généralement, en fait, la personne explique qu'elle est à l'étranger déjà, et qu'elle a dû confier soit à une agence immobilière, soit qu'elle a dû confier à un cabinet de notaire le soin de faire visiter l'appartement. Mais, dit-elle souvent, voilà, mon souci, c'est que plusieurs personnes avaient pris rendez-vous, ne sont pas venues au rendez-vous, et moi je me retrouve à devoir payer le membre du personnel de la société ou du cabinet de notaire qui s'est déplacé, alors que personne n'est venu, donc ça me fait des frais. Et donc désormais, pour être certain que la personne vient au rendez-vous, je demande une petite garantie, évidemment garantie qui sera retenue sur le loyer. Garantie si vous prenez l'appartement. Alors comment se prémunir de ce genre d'arnaque ? Il y a moyen de vérifier qu'on n'est pas en face d'une annonce bidon ? Oui, il y a moyen en fait. Hein. Donc là, pour ça, Google est notre ami. Donc il y a deux possibilités. Soit de prendre le contenu du texte de l'annonce et en faire un copier-coller dans Google. Et donc, on a parfois la surprise de voir que l'annonce existe déjà. L'autre solution, c'est également de sauver une des photos qui figure dans l'annonce qui nous intéresse, de la sauver sur le bureau de l'ordinateur sur lequel on est connecté Internet, puis d'activer Google Images et de glisser cette photo. Donc, on glisse et on dépose la photo dans le champ de recherche de Google. Et il va à ce moment-là analyser la photo. Il va montrer d'autres annonces qui, le cas échéant, utilisent la même photo. Et c'est parfois surprenant. On découvre des photos pour une même photo, un appartement à vendre, des bureaux à louer, etc. etc. Ça vient d'où cette arnaque? On sait qui sont les personnes qui sont à l'origine de cette arnaque? Écoutez, la plupart du temps, ce sont des arnaques qui, pour nous francophones, trouvent leur origine. On parle des arnaques nigérianes. Hein. Donc ça, c'était l'arnaque anglo-saxonne, puisque le Nigeria est anglo-saxon. Mais ce sont des techniques qui ont été récupérées par l'Afrique de l'Ouest, et notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin. Ceci étant, on a aussi des auteurs qui sont sur le territoire européen. Et quand j'entends territoire européen, c'est dans les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Olivier Bogard de la Computer Crime Unit, merci. Et donc, si on est victime d'une arnaque comme ça, il faut le signaler d'abord sur la page qui propose cette annonce et puis sur la page pointdecontact.belgique, tout en un mot, point de contact, puis point Belgique. Il y a donc moyen de signaler ce genre de problème. Ce constat, près de 4 appels sur 10 qui arrivent au service d'urgence 112 sont des appels inutiles. Le service public fédéral intérieur tire la sonnette d'alarme. Il y a 4 ans, les responsables du 112 avaient lancé une grande campagne pour que la population soit vigilante et l'utilise le 112 uniquement en cas d'urgence. La situation s'améliore, mais tout de même, 37% d'appels intempestifs, c'est trop. Une partie de ces appels proviennent de ce qu'on appelle les appels poches. Alors c'est quoi les appels poches? Les précisions avec Jérôme Massard, membre de la direction de la cellule 112. C'est un clavier de téléphone ou de smartphone qui se déverrouille dans la poche d'un pantalon ou d'une veste et le 112 est automatiquement composé. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu la chose ou bien ça vous pose vraiment un problème? Mais en fait, le numéro 112 a été fait pour ça. C'est que pour que même si la carte SIM est défaillante, même s'il n'y a plus de crédit sur des cartes prépayées ou ce genre de choses, on puisse joindre les secours. Donc ça, je pense que vis-à-vis du citoyen qui en aurait vraiment besoin, ce service-là, cette capacité-là de pouvoir être maintenue. Mais c'est vraiment la population qu'il faut sensibiliser pour qu'on s'en tienne au cadre qui est défini et à ne pas en sortir. Interview signée David Riffon. C'est la fête aujourd'hui pour des millions de musulmans. Et si vous voulez faire plaisir aux 800 000 musulmans de Belgique, dites-leur Aïd Moubarak, ça veut dire bonne fête de l'Aïd. Pour les musulmans, c'est la fête la plus importante, la fête du sacrifice. C'est aussi un grand rassemblement à la Mecque, en Arabie Saoudite. 1 800 000 pèlerins. L'an dernier, une gigantesque bousculade avait provoqué la mort de plus de 2000 personnes. Cette année, la cérémonie s'est déroulée sans incident. Il fait beau et surtout il fait chaud. Aujourd'hui, on va battre des records ces prochains jours, Manu. Et on ne s'en lasse pas. Hein. Pas de record aujourd'hui, mais demain et mercredi, oui. Le thermomètre va dépasser 30 degrés, c'est un record pour un 13 septembre, puisque l'ancien, c'était en 1947, 28,9 degrés. Record abattu aussi mercredi, où on va dépasser les 28,3 degrés du 14 septembre 1964. Voilà pour les chiffres. Alors vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces temps de midi pour l'instant? On l'a demandé à quelques flâneurs du parc de la Boverie à Liège. Mais ça fait plaisir. Ça change des temps de midi traditionnels aux messes de notre belle tour. Donc, voilà, on sort avec quelques collègues et on se fait un peu plaisir à midi. Je viens toujours à midi profiter dans le parc, mais particulièrement aujourd'hui, oui. Bah, j'ai l'habitude du bon temps. Enfin, je suis d'origine italienne, donc ça me... On va régulièrement aussi courir à midi, donc chaque fois qu'il fait bon, on essaie d'en profiter. Ça fait du bien. C'est excellent, hein. On ne demande que ça, hein, que ça continue encore un peu, quelques jours comme ça. Hein. Des propos recueillis par Benjamin Carlier et David Riffon. J'ajoute que la cellule interrégionale de l'environnement, Céline, déclenche la phase d'avertissement de niveau 1. C'est une phase qu'on active lorsque la température minimale pour les deux prochains jours est de 18 degrés et la température maximale de 30 degrés. On ne devrait toutefois pas atteindre les pic d'ozone demain et après-demain. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Bah effectivement, c'est une bonne nouvelle. On reparlera tout à l'heure de ces températures, parce qu'il y a quand même un truc assez dingue. Il fait beau, il fait chaud. Il y en a peut-être qui profitent de quelques jours de repos. Et on ne peut pas aller se baigner presque partout à la mer du Nord. C'est interdit presque partout. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Il manque de sauveteurs. Hein, bah ouais, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure dans l'émission, à moins que vous vouliez mettre un beau maillot rouge, Manu. Je vous vois bien faire sauveteuse. Oui, je pourrais très bien faire ça, moi, je pense. Eh ben, on s'organise ça pour le week-end. Merci, Manu. On vous retrouve tout à l'heure. Il est 17h15. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. David Godefroy, est-ce que ça coince cet après-midi? Eh bien, un endroit en tout cas particulièrement congestionné sur le 411 Namur-Arlon, hauteur d'Abel-la-Neuve, dans ce chantier des files qui s'étendent sur une dizaine de kilomètres. Un retard estimé une quarantaine de minutes vers Arlon. Ça coince également sur la 602 Long-Saint-Chénet, des files entre Avroy-Laveux et le Val-Benoît, principalement vers Chénet. Et puis sur le ring de la capitale, sans surprise, ça coince en circulation intérieure Zaventem-Carrefour-Léonard. 30 minutes perdues à cet endroit, 20 minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard et maximum 10 minutes de retard sur les autres tronçons. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Eh ben ouais, c'est parti jusqu'à 19h. Bienvenue tout le monde. Il y aura des cadeaux à gagner dans quelques minutes. Restez là, histoire de bien démarrer la semaine. Je vous explique tout ça dans quelques minutes. Vous serez bien gâtés ce soir dans l'émission, c'est promis. Tout à l'heure, on aura une championne et je suis très fier qu'on l'ait au téléphone. Elle s'appelle Isabelle. Et Isabelle, elle est championne wallonne d'épluchage de pommes de terre. C'est pas une blague, c'est une compétition qui existe. Elle l'a remportée, elle sera l'invitée de ce 5 à 7 tout à l'heure. On viendra sur les températures aussi. Manu nous le disait. Température très chaude, des records à battre dans les prochains jours. Et donc, la baignade interdite presque partout à la mer du Nord. On verra pourquoi tout à l'heure dans le 5 à 7. Il y a une vidéo aussi qui fait un buzz énorme aujourd'hui. C'est une vidéo d'un New-Yorkais qui chante tranquillement dans le métro. Mais ça fait tellement de vues sur YouTube et sur Facebook qu'on se dit qu'il y a peut-être même un album qui serait en préparation pour ce gars qui chante à la base tout tranquille hein, dans le métro. On y revient tout à l'heure dans le 5 à 7. On parlera de sport aussi avec Lise Burion. Il y a l'image du jour avant le cactus de Jérôme Dewarzé. Et puis, si vous avez prévu de vous marier dans les prochaines semaines, prochains mois, alors là, on parle peut-être de 2017, et que vous êtes en plein préparatif, il y a un salon qui arrive, et il y a surtout des tendances qui se dégagent pour cette année. Est-ce que votre mariage sera tendance ou pas? Quelles sont les nouvelles tendances au niveau des mariages? Bon, on en reparle juste après ça dans le 5 à 7. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15€ de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15€ de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques. Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Ace Oliver. Info sur poincaré.eu. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez acheter une maison, un appart? Très bien. Dans quelle commune chercher? Où décrocher des aides? Faut-il profiter des taux bas pour acheter grand, dès le coup d'essai, ou viser d'abord petit? Le guide pour bien acheter à Bruxelles et en Wallonie, dans le spécial IMO du Vifle Express, en vente cette semaine. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Deauville. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat ATK. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Broucker, 34-36. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Cette musique, ça évoque peut-être des mauvais souvenirs, je sais pas, des bons ou alors un projet. Projet de vie que vous avez peut-être vous marier prochainement. Alors on est dans une période, je sais pas pourquoi, à ce moment-ci, il y a plein de salons du mariage un peu partout dans le monde. Il y en a un qui arrive prochainement en Belgique, on en reparle dans quelques secondes. Je voudrais d'abord revenir à propos de mariage sur une histoire que nous raconte le site genside.com aujourd'hui. Et on va parler de cadeaux pour ça. Il y a un couple qui s'est marié il y a 9 ans, ils ont entendu cette musique-là. Et parmi tous les cadeaux qu'ils ont reçus, il y avait un cadeau plutôt original. C'est une tante qui leur a offert une boîte sur laquelle il était juste écrit « Ne pas ouvrir avant votre premier désaccord ». Alors il leur a fallu 9 ans pour qu'ils l'ouvrent, ils se sont engueulés avant, hein. C'est juste qu'ils ont oublié que ce cadeau-là était dans une armoire. Et donc quand ils ont ouvert cette boîte à l'intérieur, il y avait juste une petite liasse de billets avec une lettre adressée à la mariée qui lui demandait d'utiliser l'argent pour acheter une boîte, une pizza et préparer un bon bain. Et alors pour le mari, il y était simplement indiqué de dépenser l'argent pour des fleurs et une bonne bouteille de vin. Histoire de se réconcilier. Plutôt original comme idée de cadeau pour un cadeau de mariage. Alors justement cet après-midi au 3063, je vous demande de me dire, que ce soit pour un mariage ou pour autre chose, si vous avez déjà eu ou fait un cadeau original, quelque chose un peu particulier. Ça peut être une belle histoire et ça peut être un cadeau pourri aussi, on va pas se mentir, ça arrive de recevoir une vieille écharpe mal tricotée qui ne va pas du tout, avec une couleur improbable. Vous pouvez aussi me le raconter, 3063 par SMS et 50 centimes et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Revenons-en à ce projet que vous avez peut-être, vous marier. En ce moment, il y a des salons qui arrivent tout proche de chez vous. Salon du mariage de Bruxelles qui aura lieu de la fin du mois jusqu'au 2 octobre, ce sera à Tours et Action, on va en parler avec Pierre Dada. Vous êtes organisateur du salon du mariage à Bruxelles. Bonsoir Pierre. Pierre, est-ce que vous êtes là? Pierre, une fois. Pierre, vous nous entendez? Voilà, tout petit problème technique. On va essayer de récupérer Pierre dans un instant. Mais juste avant, ce qu'on va faire, on va faire un truc tout simple. Je vous dis par SMS au 3063 de m'envoyer une chanson, la chanson que vous avez envie d'écouter, et on l'écoute. Alors, on va faire aussi simple que ça. Donc, le premier SMS qui arrive au 3063, ce sera votre chanson. Je vais déjà vous dire qu'il y a des cadeaux à gagner ce soir dans l'émission. Ça, c'est pas mal, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous allez repartir avec quoi? Eh bien, grâce au beau vélo de Ravel, à 365.be et à Ciné-Télé-Revue, vous allez repartir avec 4 entrées pour aller sur le champ de bataille de Waterloo. Heureusement, la bataille est terminée depuis longtemps, ce serait un petit peu dangereux sinon. Donc, c'est le mémorial 1845 à Waterloo auquel vous aurez accès. 4 entrées pour vous. Vous envoyez maintenant le code simplement Ravel, R-A-V-E-L au 6003 pour 75 centimes le message. Il y a justement une demande qui est arrivée, on nous demande d'écouter Jennifer avec Paradis Secret. Eh ben c'est ce qu'on va faire, juste le temps de retrouver Jennifer dans tous les alors j'allais dire les CD, ça n'existe plus, mais dans toutes les librairies informatiques qu'on a, on va chercher Jennifer, on l'écoute. Ben, de temps en temps, voilà, c'est pas prévu, mais quand il y a un souci technique, faisons-nous plaisir, écoutez la musique que vous avez envie d'entendre. Jennifer, Paradis Secret, c'est maintenant. Ben voilà, cadeau, grâce à un petit problème technique cet après-midi dans l'émission, Jennifer avec Paradis Secret, un petit extrait. Si vous avez envie d'écouter d'autres chansons, on sait jamais que le reste du studio tombe en panne. 3063 par SMS. On va retenter d'avoir Pierre Dada au téléphone. Pierre, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre. Pierre, vous êtes donc organisateur du salon du mariage à Bruxelles qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre à Tour et Taxi. C'est quoi les tendances si on veut faire le mariage le plus fashion de l'année? C'est quoi les trucs qu'il faut absolument avoir cette année? Bah, y a énormément de choses à voir, mais disons qu'il y a différentes tendances dans différents secteurs. Donc si vous voulez, par exemple, dans les robes, on a la couleur, le rose quartz, qui était déjà très mis à l'honneur en 2016, qui revient en 2017. On a les capes, les longues traînes, les capes, comme Superman. Ah ouais, les capes, oui, sur les robes, oui. Donc ce sont des éléments que l'on retrouve sur 2017. Vous avez par exemple le bar à cocktail qui est très tendance avec des couleurs. Ah ça c'est sympa parce que tous les invités s'y retrouvent. Voilà, vous avez les faire-part artisanaux qui sont faits main et qui sont très tendance. Donc voilà, suivant les différents thèmes ou secteurs d'activité, il y a énormément de tendances que l'on retrouve cette année, quoi. Si on veut avoir le plus beau buffet, on est sur quoi? Parce qu'il y a un moment, c'était beaucoup de verrines. On reste là-dessus pour les mariages ou il y a autre chose qui se dégage? Il y en a qui font parfois des grands barbecues ou des porchetta. On vient des choses oui, aussi... Là, c'est très très varié. C'est en fonction également des cultures. Donc vous avez aussi beaucoup de mariages mixtes où on trouve un petit peu de l'européen, un peu de l'oriental. Bon, là, il n'y a pas vraiment de tendance spécifique, mais c'est vraiment en fonction des cultures et un petit peu du choix de chacun. Il y a un mariage en particulier dans votre carrière qui vous a marqué? Le truc le plus fou que vous ayez vu? Ah, dans ma carrière, moi, pas spécialement. Il y a, bon, ensuite, ça dépend un petit peu des moyens qu'on veut mettre. Donc, on voit des trucs assez fous, mais bon, on monte dans des budgets un petit peu que monsieur tout le monde ne peut pas se permettre. Voilà, donc on peut faire aussi des choses assez merveilleuses avec des budgets beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Ah, justement, bah, parlons-en du budget, Pierre Dada. En 2016 ou 2017, puisque là, on prévoit pour les prochains mois, la prochaine année, il faut compter combien pour un mariage? Ça démarre à combien? On peut se faire plaisir à partir de combien de milliers d'euros? Parce que, bon. Bah, on peut commencer un mariage à partir de 20-25 000 euros. Donc nous, l'année passée, on commence à 20 000 euros, ça fait beaucoup quand même. Oui, bah, si c'est une centaine d'invités aussi, tout dépend. Bien sûr, si vous êtes en famille réduite avec une vingtaine de convives, donc là, c'est beaucoup moins. Mais en prenant une moyenne d'une centaine d'invités avec la partie traiteur, etc., bah, on monte facilement 20 000, voire beaucoup plus, quoi. Donc suivant les moyens qu'on veut et voilà. Et comment on voit un petit peu le mariage. Comme le salon, c'est du 30 septembre au 2 octobre, est-ce que vous avez déjà eu, ou est-ce qu'on peut faire une demande en mariage au salon du mariage? Ça peut être sympa, ça. On pourrait. Bien, chérie, on va visiter au cas où, on se renseigne, et puis là, baf, on fait la demande. Bon, on pourrait la faire, mais disons que majoritairement, à 95% des visiteurs du salon, ce sont des gens qui sont déjà en couple et qui préparent leur mariage dans les 6 mois, 1 an à venir. Donc voilà, on n'a pas eu encore un coup de foudre qui arriverait au salon du mariage même parce que qui sait. Ça y est, des problèmes entre couples. Bah, un échange, voilà, deux couples qui se rencontrent, on fait un petit échange, l'un repart avec le mari ou la femme, enfin futur mari, future femme de l'autre. Bon ben bah, nous sommes assez ouverts là-dessus, mais non, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Merci Pierre Dada d'être passé ce soir dans le 5 à 7, à bientôt, bonne soirée. Merci, à bientôt, oui. Dans la suite du 5 à 7, on va parler de sport. Lise Burion nous rejoint dans quelques minutes et puis on prendra la direction de New York. Il y a un chanteur qui fait sensation sur les réseaux sociaux en ce moment. Il reprend une chanson et le résultat est juste bluffant. On en parle dans quelques minutes dans le 5 à 7. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre chez votre distributeur Volvo. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec l'évacuation de l'école maternelle et primaire Peter Pan à Saint-Gilles, une opération de débouchage des égouts a mal tourné. Les pompiers ont utilisé un produit chimique. Il y a eu une réaction avec un autre produit chimique déjà utilisé auparavant. Certaines conduites ont fondu, des conduites aériennes. Du liquide a coulé sur les bras de 3 enfants et d'une femme de ménage. Ces personnes ont été emmenées à l'hôpital légèrement brûlées. Une fusillade aussi à Carnion, près de Mons. Un homme d'une 30aine d'années a été tué en début d'après-midi par une arme à feu. Il était dans un café de la Grand Place. Le tireur a réussi à s'enfuir. Un périmètre de sécurité a été installé sur la place. Dans l'actu aussi, les négociations syndicat-direction de Caterpillar, les premières de la phase 1 dans le cadre de la procédure Renault. Syndicats qui ont également rencontré les ministres fédéraux et les ministres wallons cet après-midi. L'actu, c'est aussi la chaleur. 2 records annoncés pour mardi et mercredi. Record de température avec plus de 30 degrés sur le thermomètre et la phase d'avertissement pour l'alerte chaleur du jamais vu en septembre. Cela dit, on ne parle pas encore de problème de pollution aux particules fines. Bon bah c'est déjà ça. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo, ça dit quoi Dominique? Ça dit 15 à 19 degrés pour la nuit prochaine. De nuit donc étoilée et très douce. Demain, du soleil et toujours de la chaleur. Beaucoup de chaleur. On notera 27 à 33 degrés localement. Même température à peu près pour mercredi. Avec ceci dit, quelques nuages annoncés du côté de la frontière française. Et à partir de jeudi, on surveillera une zone de pluie et d'orage qui remontera de la France et qui pourrait nous atteindre en soirée dans la nuit de jeudi à vendredi. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Des problèmes ou pas à 17h32? Oui, et bien des chantiers, notamment sur le 25 Bastogne-Liège entre Tilf et Beaufailly. Des files sur plus ou moins 5 km. 20 minutes ajoutées à votre trajet vers Liège. 15 minutes supplémentaires sur la 602 Lons-Saint-Chesnay entre Anse et le Val-Benoît vers Chesnay. Ça coince aussi sur le 411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbey-la-Neuve. Des files depuis Neuchâteau sur une dizaine de kilomètres. Ajoutez une 40aine de minutes à votre trajet vers Arlon. Et puis sur le ring de la capitale, circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard, 30 minutes en plus. 30 minutes supplémentaires également en circulation intérieure de Zaventem au Carrefour Léonard. Maximum 10 minutes perdues sur les autres tronçons. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. On va parler de sport dans un instant, comme tous les jours dans ce 5 à 7, et on va accueillir Lise Burion pour le faire. On prend la direction de la Suisse dans quelques petites secondes. Je vous parlais tout à l'heure d'une histoire de mariage, un cadeau plutôt original, un cadeau qui n'a pu être ouvert que 9 ans après le mariage. Quel cadeau original vous avez reçu, que ce soit pour un mariage ou pas? Vous me le dites par SMS au 3063. Et Manu, vous, c'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui. Et oui, 24 ans aujourd'hui, hein. Ça le fait, hein. Bah, ça le fait, vous êtes contente, vous êtes toujours heureuse? Oui, toujours, toujours, toujours. Ah bah alors, ça c'est bien. Comment il s'appelle, heureux élu? Il s'appelle Hugues. Bravo Hugues, bravo. Parce que 24 ans, c'est pas facile. Hein. Ah oui, ça me supportait pendant tout ce temps, c'est sûr. Vous avez reçu un cadeau original, vous? Oui, ça m'a fait rire quand vous avez parlé de ça, parce que je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Nous avions reçu 3 couteaux, un couple d'amis qui est d'ailleurs, à mon avis, a dû fêter ses 25 ou 26 ans de mariage récemment. Et il nous avait envoyé donc 3 couteaux, et comme message, que le meilleur gagne. J'ai trouvé ça formidable. J'ai toujours les couteaux, d'une excellente qualité. Et eh ben, vous n'avez jamais essayé. Est-ce qu'on a des nouvelles de votre mari réellement? Est-ce qu'on sait, il a une voix, il est encore là? Oui, ça va, ça va bien, il va très bien. Vous les avez laissés dans la boîte, quoi. Merci. Non, ils utilisent, coupent très bien le poulet, par exemple. Ah ben, ça c'est bien. Tant que c'est que le poulet, ça va. Merci Manu. Dans quelques minutes, on fera un point sur vos messages au 3063. Quel est le cadeau le plus original pour un mariage ou pas que vous ayez reçu ou que vous ayez fait? Ça marche aussi. Et sur la page Facebook, je vous attends, 5 à 7, Vivacité RTBF. RTBF. On prend la direction de la Suisse, donc dans quelques secondes avec Lise Burion. Et puis, on voyage beaucoup dans cette émission. On partira à New York où un chanteur fait sensation. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a repris une chanson que vous adorez probablement simplement dans le métro. Et on parle peut-être même d'un album pour ce monsieur. Ce sera dans quelques minutes. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les... Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça ? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing ? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kilos de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air ? Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13€, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Viva. 17h-19h, 5 à 7, Viva. Sur Vivacité. Demain, dans le 8-9, soyez là avec Benjamin Maréchal. Vous savez que Benjamin, il a tous les jours des invités plutôt sympas. Et donc demain, soyez là, parce qu'il y a Bruno Tumers qui est là avec moi dans le 5 à 7 ce soir. On va parler d'un artiste à New York qui fait la sensation sur les réseaux sociaux. Mais demain, vous savez qui sera avec Benjamin ? Bah oui, c'est moi qui boucle les invités, c'est Chimène Badi. Ah bah ça, c'est pas rien quand même. Chimène Badi, une chanson de Chimène Badi. La dernière, c'est Elle dit. C'était extrait de... Ah non, vous voulez que je chante ? Ah non, ouais. pas du Chimène Badi, je peux pas rivaliser. Et par tous les chemins, j'y reviens. Ça, c'était une reprise de Michel Sardou, ça. Exactement, mais elle l'a chanté aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et elle sera là demain dans le 8-9, soyez là, elle le fera beaucoup mieux que moi, probablement. J'espère. Ça se trouve, demain, on se rendra compte que c'est une fraude, elle se mettra à chanter, elle chantera pareil. Peut-être. Rendez-vous demain à 8h ou peut-être pas. Pour la faire chanter à 8h30, bonne chance. Hein. On va parler de sport avant de prendre la direction de New York avec vous, Bruno. On va en Suisse tout de suite avec vous, Lise, on part donc là-bas, pays du tennis, pays de la cloche, pays du chocolat, pays de la fraude fiscale. Et on parle de la victoire de Stan Wawrinka à l'US Open cette nuit. Oui, on est déjà un petit peu à New York, hein, d'ailleurs, puisque ça se passe, ça se joue à New York. Hein, ah, mais en plus. Open. Voilà. Qu'est-ce que vous connaissez de Stan Wawrinka, Cyril, d'ailleurs, dans l'absolu ? Bah, c'est quelqu'un qui fait du tennis. Voilà. Et qui a gagné cette nuit à l'US Open. Vous vous souvenez pas de son short peut-être l'année dernière ? Il avait fait le buzz à Roland-Garros au moment où il gagne Roland-Garros. Il a un short un peu pyjama comme ça. Ah oui ! Donc ça avait fait beaucoup parler, rigoler aussi, mais il avait pris ça très bien. Après, il met ce qu'il veut. Hein. Il en a offert un pour le musée de Roland-Garros même d'ailleurs. Ça, c'est sympa de sa part. Sympa. Mais donc Stan Wawrinka ou Stanimal ou Stan de Man, il a pas mal de surnoms, le Suisse. C'est bien plus que ça. Il a changé de short d'ailleurs et il a donc gagné cette nuit ce tournoi de l'US Open. C'est un Suisse qui est sorti de l'ombre de l'autre, si vous voyez de qui je veux parler, Federer, bien sûr, qui prenait énormément de place en Suisse. Alors, c'est pas nouveau, hein, Wawrinka, il avait gagné son premier titre du Grand Chelem en 2014 déjà, à l'Open d'Australie. Mais ça n'a pas été un one-shot hein, pour lui. Il y a pas mal de joueurs qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem et puis c'est fini. Mais lui, bah, donc Roland-Garros l'année dernière et l'US Open cette nuit. Trois titres du Grand Chelem pour Wawrinka. Du coup, une autre question, comme je vois que vous êtes très très au top en tennis. C'est mon domaine. Qui a gagné le plus de Grand Chelem entre Wawrinka et Andy Murray, l'Écossais, à votre avis? Murray? Eh ben non, figurez-vous, ah ouais. Ils en ont gagné 3 chacun, donc on a l'impression que Murray est plus efficace. Donc c'est pas tout à fait efficace. Faux quand même. Ouais. C'est égalité quoi. C'est pas... Égalité, mais on a l'impression quand même que Murray a été beaucoup plus efficace dans les grands chelems. Mais finalement, Wawrinka, il en a autant que l'Écossais sur son palmarès. Alors ils ont chacun aussi remporté une Coupe Davis, donc là aussi, même pied d'égalité, ex aequo. Ils ont aussi un passé olympique, tous les deux, figurez-vous, puisque Murray, double champion olympique, il a encore gagné ici en simple à Rio. Et bien Wawrinka, il est aussi champion olympique, mais en double, aux côtés justement de Federer, c'était à Pékin en 2008. Donc aussi un palmarès pas mal fourni pour Wawrinka, oui, même si on n'a pas l'impression. Il a toujours été un petit peu dans l'ombre, on l'a dit, de Federer. Alors, on ne va pas jouer à celui qui a la plus grosse, hein, ou le plus gros palmarès en l'occurrence. Là. Ah ouais, après, vous les connaissez. Mais, on cite en tout cas rarement Wawrinka dans le Big Four du tennis, et pourtant, on l'a compris, il le mérite très bien. Bah, il est pas mal. Le Big Four, c'est Djokovic, c'est Murray, Federer et Nadal, c'est ça? Voilà, vous y connaissez, finalement, quand même. C'est bien ça. Mais ce concept, on a l'impression qu'il a un petit peu vécu, hein, le concept de Big Four, puisque sur les 3 dernières années, bon, ok, Djokovic, il a gagné 6 grands chelems, donc là, hors catégorie. Mais Murray, seulement 1 sur les 3 dernières années, Nadal, 1, et Federer, aucun sur ces dernières années. Alors que Wawrinka, on est donc à 3, donc pas mal du tout. On va devoir évoluer dans les appellations, peut-être. Mais Wawrinka... En gros, il s'en fout un peu qu'on ne le mette pas dans le Big Four. Ça n'a pas trop d'importance. Il ne s'inclut pas dans ce carré des chefs. Il fait sa vie, il met les shorts qu'il veut. Et puis... Voilà. Et puis, de toute façon, il s'estime moins bon que Murray, moins régulier, en tout cas. On le disait, palmarès, c'est un peu pareil au niveau des gros titres, mais il se sent un peu moins régulier. Et puis, face à Djokovic, dans les confrontations directes, il dit toujours qu'il est moins performant. Ce qui n'est pas faux, parce qu'ils ont joué 24 matchs Djokovic-Wawrinka, 5 victoires seulement pour le Suisse. Mais il a choisi ses moments, parce qu'il a gagné en finale de Grand Chelem. Ou en demi-finale ou quart de finale de Grand Chelem. Donc, il bat Djokovic dans les moments importants. Donc, finalement, c'est pas si mal que ça. Il se minimise un petit peu, Wawrinka. Bon quand il faut. C'est bien, c'est ce qu'on lui demande. Ben voilà. Et donc, ce qui est surtout intéressant avec Wawrinka, c'est qu'il est très difficile à battre. En finale, il reste sur une super série. 11 finales, 11 victoires consécutives dans ses finales, dont 3 Grand Chelem. C'est quand même pas rien. C'est même grand, on peut le dire. Bravo à lui. Par rapport à l'autre Suisse, Federer, alors, il s'apprécie ces deux-là ou pas? Bah, on a contacté aujourd'hui un journaliste suisse qui connaît bien la question. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur Stan Wawrinka. Il nous a expliqué, en gros, ils sont collègues de travail, mais pas amis. On n'en a pas un qui est parrain des enfants de l'autre ou qui a été témoin du mariage de l'autre. Donc voilà, ils s'entendent bien, mais c'est pas non plus des gros potes. Il y a une différence d'âge déjà, il y a 4 ans de différence. Donc ils n'étaient pas ensemble dans les catégories d'âge. Je ne peux pas dire qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans. Et Wawrinka, il est arrivé très très tard sur le top du tennis. Bon là, il est 3e mondial aujourd'hui. Mais il s'est arrivé très très tard. Il n'était pas sur le radar de la des fédérations suisses pour dire celui-là c'est vraiment un joueur prometteur. Il s'est fait tout seul, Wawrinka, par rapport à Federer. Et d'ailleurs, ben, du côté de la Suisse, il y a de la place pour les deux. C'est un petit pays, mais il y a quand même de la place pour les deux. Et Federer, il dépasse même la Suisse. C'est même devenu plus qu'un Suisse, c'est une star mondiale. Ouais, tout le monde le connaît partout. Et Wawrinka occupe plus la place donc de Suisse connue, entre guillemets. Ils ont tous les deux remporté le titre de personnalité suisse de l'année. Pas seulement en sport, c'est pas le sportif suisse de l'année, c'est toute catégorie confondue. Ils font tout pareil les deux. Presque, avec un peu de décalage, mais en tout cas il est fort fort apprécié en Suisse, Wawrinka, parce qu'il se rapproche un petit peu de l'esprit suisse. On s'est fait nous-mêmes, on mérite d'être devenu ce qu'on est devenu, plus que notre argent, des choses comme ça. Non mais Federer, il était doué à l'origine, Wawrinka, c'est plus un gars du terroir qui correspond donc à l'image que les Suisses ont d'eux-mêmes. Il a été élevé dans une ferme au milieu des tracteurs et des animaux. C'est pas une image, hein. C'est vrai, il a vraiment été élevé dans une ferme. On a des photos de lui sur des tracteurs, etc. Il s'est fait tout seul, vraiment, à force de travail. Et révélateur d'ailleurs, c'est son tatouage sur son bras, une citation de Samuel Beckett. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore, mais échoue un peu moins. Il a un long bras, hein, quand même. Il a un long bras. Pour écrire tout ça, c'est pas mal. C'est écrit petit et en rectangle, si vous voulez. Donc, c'est révélateur du gars qui n'était pas doué spécialement à la base, mais qui a voulu y arriver et qui y est. Quelle belle Bravo leçon de vie. À lui. On dirait un film américain. Merci, Lise. On reparle de sport tout à l'heure. Dans un petit quart d'heure, ce sera le journal des sports. Il est 17h44. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Il est l'heure de partir à New York. À New York, il y a un gars qui s'est installé tranquillement dans le métro. Il a décidé de chanter et ça donne ça. Ah, il en voit quand même. Ah, il est pas mal. Et ça, c'est juste dans le métro. Parfois, on se dit, tiens, si le gars pouvait arrêter de chanter ici, c'est plutôt pas mal. Est-ce que cet homme qui chante dans le métro, qui est en train de faire un buzz sur les réseaux sociaux, peut-être avoir une carrière dans la musique? Bah, on va voir ça avec notre spécialiste musical de la maison, Bruno Tumers. Bonjour. Bah, il y en a quand même quelques-uns qui ont démarré dans le métro ou dans la rue. Alors, je vous ai préparé un petit blind test. Ah, on va jouer. Ah, bah oui, ça, on aime bien. Guillaume qui prépare cette émission va jouer aussi. Oui, vous pouvez tous jouer. Tout le monde joue. Mais dans le jeu. Le premier extrait, c'est assez simple. Vous allez performer là-dessus. Zaz. Ouais. Oh, ah, c'est Cyril. Hein. Ah, si, c'est Cyril. Ouais. Zaz. Ouais. Zaz qu'on est un petit pouet. Qui a aussi commencé dans le métro et dans la rue. Zaz qui chantait déjà 10 ans avant la sortie de son premier tube. Je suis passée par plein d'expériences complètement différentes d'ailleurs. Et puis en dernier recours, j'étais dans la rue. Je chantais dans la rue parce que c'était mon choix. Parce qu'il y avait des systèmes qui ne me correspondaient pas. De toute façon, dès que je me sens plus bien, je m'en vais. Et je suis très intuitive et je fais toujours les choses comme je les ressens. Voilà. Et surtout, en restant, il faut que je sois bien en moi. Si à un moment donné, ça commence à partir en sucette, c'est pas bon, quoi. Je me perds et là, c'est pas bon. Elle parle un peu racaille, quand même. Oui, un peu. Elle a un peu l'accent parigot. Hein. Ouais, quand même. Elle l'a toujours. Mais elle est très sympa quand on la croise en interview. Bon, alors côté anglophone, ça, c'est un peu plus compliqué. Bonne chance. Ah ouais. La voix me dit quelque chose, mais... Ben Harper. Oui, ah bah, deuxième point pour Cyril. Hein. Ouais, mais c'est... Ouais, Ben Harper qui a aussi commencé sa carrière en jouant dans le métro de Paris. Il a déclaré à Paris Match récemment, c'est un monde très difficile que celui de musicien de rue. Il faut chanter et jouer très fort pour se faire entendre. Je mesure toujours avec gratitude le chemin accompli du métro parisien à la scène de Bercy, puisque Ben Harper remplit des salles considérables. Alors toujours côté chanteurs, chanteuses qui ont démarré dans le métro, dans la rue, ça c'est beaucoup plus ancien, 1946. Demande l'ombre qui passe. Ouais, bon, ça, je vous ai donné un indice. C'est toujours Cyril qui... J'ai voulu dire la môme, donc du coup, vous voyez, j'ai perdu du temps. Hein. Ouais, dans la rue, Edith Piaf, qui a vraiment commencé sa carrière là, sur le pavé, ça fait partie de sa légende. Et puis, beaucoup plus récent, celui qui cartonne cet été, c'est la révélation de l'été ou de la rentrée, c'est lui. Claudio Capéo, il sera bientôt dans le 5 à 7. C'est vrai, il viendra bientôt dans le 5 à 7. Bon, mais c'est 4 points pour, Cyril. Hein. Bien joué, Cyril. Voilà, et la prochaine fois, vous couperez l'écran sur lequel il y a les réponses. Ah oui, mais ça, vous ne pouvez pas regarder, évidemment. Hein. Vous l'avez aussi en face de moi. T'as été plus malin. C'est plus facile d'indiquer comme ça. Mais donc, comme quoi, il y a moyen. Donc peut-être que ce New Yorkais qui fait des millions de vues sur YouTube depuis quelques jours pourra peut-être sortir un album. Il faut vraiment être remarqué par une maison de disques. Parce que si on n'est pas remarqué par une maison de disques, il ne se passe pas grand chose. C'est toujours très compliqué de percer si vous n'avez pas la structure qui est derrière vous et qui est là pour vous aider à vous faire connaître dans les médias. Mais voilà, il y a quelques... Déjà, il a été repéré par Bruno Tumers, c'est pas rien. Il y a quelques exemples. Et par l'équipe du 5 à 7. Merci Bruno. Avec plaisir. Vous revenez jouer quand vous voulez, j'ai bien aimé le jeu là. Oui, bah évidemment, vous avez gagné. Il est 17h47, une toute petite pause dans ce 5 à 7. Et puis dans un instant, c'est l'image du jour qui arrive sur Vivacité avant 18h. Le cactus aussi de Jérôme de Warzé. Et toujours des cadeaux à gagner. Vous allez au Mémorial 1845 de Waterloo. J'ai 4 entrées pour le champ de bataille de Waterloo pour vous. Vous envoyez maintenant Ravel pour vous inscrire, RAVEL au 6003 pour 75 centimes. Le message, bonne chance. Vivacité et la 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu. Un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Hyundai, c'est automiseur. Hyundai, automiseur. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Décidément, ça coûte cher en voyage cette émission parce qu'on est passé en Suisse tout à l'heure, on était à New York, on retourne aux États-Unis pour l'image du jour avec Nicolas Gillard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors pourquoi est-ce qu'on va aux États-Unis là ce soir? Ben on va aux États-Unis parce qu'il y a un petit malaise aujourd'hui autour de la personnalité de Hillary Clinton. Ouais. On sait qu'il fait chaud en Belgique, il fait sans doute encore plus chaud de quelques degrés pour l'instant à New York, et mademoiselle Clinton, ou plutôt madame Clinton, a vacillé hier. Et ah ouais, elle était pas bien. Pas bien du tout, c'est une image qui a fait le tour du monde évidemment, on sait qu'elle prend des médicaments, des antibiotiques pour combattre la pneumonie dont elle souffre, la pneumonie, déshydratation, chaleur, ça fait un cocktail détonnant et donc elle a chancelé en attendant son convoi, on la voit s'accrocher à une assistante et finalement presque pousser dans une voiture pour pouvoir éviter de tomber. Ah oui, voilà. C'est vraiment, on a mis un sac à patates dans la voiture, elle était vraiment pas en forme. La scène a été filmée et c'est la folie sur les réseaux sociaux. C'est la folie, ça tourne, ouais, partout. Au point que, à 2 mois de l'élection, des commentateurs disent déjà qu'elle est fragilisée. Les détracteurs de la candidate, évidemment, ils s'en donnent un cœur joie en l'affublant de toutes les maladies existantes. Ils disent qu'elle a l'épilepsie, qu'elle est même atteinte de démence. Ah oui, ouais, de démence. Ouais. Ah ouais, ça va loin. Ce qui dessert Clinton, évidemment, c'est qu'en plus de ce malaise, elle avait été prise d'une quinte de toux. Ça, c'est une autre image qui date de la semaine dernière, ouais, où elle était incapable de prononcer un mot de plus dans un discours. Ça la dessert effectivement, au point que finalement, sur les réseaux sociaux, on trouve des compilations où des gens s'amusent à mettre bout à bout les séquences où elle tousse, en tout cas. Ce qui fait des images amusantes, certainement pas pour elle en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est censé relayer les doutes de Donald Trump, on les retrouve pour l'instant sur Internet, cette critique régulière. Il affirme depuis des semaines qu'en fait, qu'avec ses problèmes de santé, elle est incapable finalement de gouverner, ouais, les États-Unis. C'est un bon argument pour lui. Alors là, lui, il doute de sa santé, mais il y a un truc aussi qui est dans la population, dans l'état d'esprit de la population, c'est que souvent, on a l'impression qu'on nous ment, et en plus, d'autant plus là-bas, qu'on cache des choses sur l'état de santé des dirigeants. C'est en tout cas un sentiment qui fait de plus en plus son apparition dans les sondages pour l'instant chez les Américains. La santé de leurs dirigeants, c'est sacré, évidemment. Ils y voient une sorte de clarté totale. Et puis, c'est pas nouveau cet argument. Hein. Quelqu'un qui est diminué physiquement ne peut pas diriger le pays, en principe. Pourtant, jusqu'ici, Hillary Clinton avait été beaucoup plus transparente que Donald Trump concernant son état de santé. Ouais. L'été dernier, elle avait publié, par exemple, la liste des médicaments qu'elle prenait. Ça allait des anti-allergiques jusqu'aux anticoagulants, figurez-vous, tout, okay, tout est dans le détail. Donc elle avait des allergies saisonnières, elle le détaille, elle donne le nom de médicaments. Par contre, pas de publication de dossiers. Je vous avoue que tout, c'est vous aussi. Ben oui, je pense que c'est Hillary qui m'a contaminé. Je suis peut-être plus apte à présenter cette émission. Pas de publication, en tout cas officielle pour l'instant, du dossier médical de Donald Trump. Ce qui est bizarre, hein, alors qu'il affuble son adversaire de tous les noms. En tout cas, par contre, ce qui est gênant pour Hillary Clinton, c'est qu'il a fallu attendre finalement son malaise d'hier pour révéler qu'elle était malade de pneumonie. Ouais, donc c'est ça. Là, il y a un peu les ordres. Ouais. Ouais. Effectivement. Bon, il faut bien dire, quand vous êtes malade, dites-le tout de suite, sinon après ça fait des problèmes. Vous, ça va bien, Nicolas? Moi, pour l'instant, ça va. Pas on de peut... crise de toux, rien du tout. Voilà, donc on vous retrouve tout à l'heure à la télé, il n'y a pas de problème. On vous retrouve tout à l'heure dans 15 forme. Minutes, effectivement. Okay. Vous nous dites si vous êtes malade. Attention. Sinon, on appelle Donald. Il ne sera pas content. Merci beaucoup, Nicolas. Et à demain. C'est pour à une vous. Nouvelle image du jour. Là, il est 17h53. Il est l'heure de retrouver ce que vous avez peut-être raté ce matin dans le 8-9. Tous les jours, il y a Jérôme de Warzé qui est là. C'est le cactus. Voici ce que vous avez entendu ce matin. Jérôme, le cactus, c'est l'actu du week-end. Oui, bonjour. Une mandach à le mâle, à la femelle. Denis Collard nous l'a annoncé. Une canicule pour cette semaine. C'est le moment d'acheter une rente viagère. Hein. Saluons. Saluons d'ailleurs notre principal auditorat, toujours plus nombreux. Gériatrie, toujours. Hier, Hillary Clinton a fait un malaise et s'est effondrée à New York.

On suivra ça, merci Dominique. Dans un instant, le journal de 18h, juste après le journal, on reviendra justement sur ces températures qui sont très très chaudes et la baignade qui du coup est interdite à la mer du Nord, quasiment presque partout. Pourquoi? Il y a une vraie raison, c'est peut-être pas que la température qui est en cause, vous verrez ça dans quelques minutes. Et puis on s'intéressera aux dauphins tout à l'heure, vous savez que les dauphins dialoguent, mais eux, ils ne s'interrompent jamais. Alors pourquoi? On essaiera d'y voir un petit peu plus clair tout à l'heure et on parlera d'un championnat d'épluchage de patates aussi. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. On est loin d'être parvenu à des résultats aujourd'hui lors de la réunion entre syndicats et gouvernement wallon et fédéral au sujet de la fermeture de Caterpillar Gosselies. Les premières tensions apparaissent aussi, les détails dans ce journal. Aux États-Unis, l'état de santé d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle, inquiète. Cela peut-il avoir une influence sur la campagne? Le républicain Donald Trump s'en sert en tout cas pour attaquer sa rivale. Plus de 30 degrés au programme ces deux prochains jours. La cellule interrégionale de l'environnement déclenche sa phase 1 d'alerte. Les explications dans un instant. Et dans le journal des sports, on va parler de Yannick Ferreira, de son départ du Standard et de son arrivée à Malines. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le dossier Caterpillar au menu cet après-midi au Lambermont, la résidence du Premier ministre. Le gouvernement fédéral, wallon et les syndicats s'y sont réunis. C'était la première réunion de coordination après l'annonce il y a 10 jours de la fermeture du site de Gosselies. Les travailleurs attendent des autorités publiques des informations, mais aussi des engagements, notamment en matière de prépension ou de fiscalité sur les indemnités de licenciement. Et on est loin d'être parvenu à des résultats alors que les premières tensions apparaissent, Pierre Magos. Même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour, c'est bien le futur plan d'accompagnement social qui crispe le ton entre gouvernement wallon et fédéral. Paul Magnette, le ministre-président wallon. Il faut redire d'abord que nous sommes toujours dans la phase 1 de la procédure et donc on est occupé à essayer de sauver tout ce que l'on peut sauver de l'entreprise. On n'est pas encore dans le plan social. Deux, que le plan social, ce sont les organisations syndicales qui le négocient. Mais trois, évidemment, en tant que wallon, je ne comprendrais pas qu'on n'octroie pas aux wallons ce qu'on a octroyé aux flamands. Un travailleur est un travailleur, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud. Maxime prévaut le numéro 2 CDH du gouvernement wallon. Je pense qu'il faudra d'abord voir si le fédéral se déclare enclin à faire cette exception, comme ça avait pu être le cas dans d'autres crises industrielles dans le nord du pays, mais si j'en crois ce qui a été évoqué depuis les terres du lutin Plop, c'est pas encore gagné. Une exception Caterpillar avec l'octroi de prépension à 52 voire 50 ans. Chris Peters, le ministre fédéral de l'Emploi, ne veut pas se prononcer. Pour des raisons tactiques, dit-il. C'est pas très sage et intelligent de lancer des éléments concernant, par exemple, pré-pension, parce que ça donne au Caterpillar une marge de manœuvre. Et d'ailleurs, cet après-midi, gouvernement fédéral, gouvernement wallon et syndicats se sont accordés pour se concentrer pour le moment uniquement sur la phase 1 du plan Renault, c'est-à-dire l'information et la consultation avec Caterpillar, voire le maintien de tout ou partie de l'activité à Gosselies. Grosse frayeur cet après-midi à l'école primaire et maternelle de Saint-Gilles, l'école Peter Pan. 500 élèves ont été évacués. Trois d'entre eux et une femme de ménage aussi ont été brûlés et emmenés à l'hôpital. La cause de leur brûlure, un mélange de produits chimiques. En fait, les égouts de l'école étaient bouchés. Une société spécialisée est intervenue pour régler le problème en injectant un produit. Ce produit en question s'est mélangé à un autre présent dans les canalisations. Cela a créé un mélange autre présent dans les canalisations. Cela a créé un mélange corrosif qui a fait fondre un tuyau qui passait au-dessus d'une classe. De petites gouttes de ce mélange sont tombés sur quelques élèves. Ils ont donc été légèrement blessés. C'est ce qu'a précisé Marie Verbeek, la porte-parole de la zone de police Midi. C'est la fête pour des millions de musulmans aujourd'hui partout à travers le monde. 800 000 en Belgique, la fête de l'Aïd, celle du sacrifice. Alors au menu ce soir, du mouton comme le veut la tradition. Mais certaines familles vont sûrement être déçues. Il semble qu'il y ait eu de gros problèmes de livraison des moutons à l'abattoir mobile en région bruxelloise. C'est ce que dit Rudy Vervoort, le ministre président de la région bruxelloise, dans un communiqué. Il dit avoir dû malheureusement constater une défaillance du prestataire qui s'était pourtant engagé à assumer cette mission. Il semblerait qu'il ait sous-estimé sa tâche. Pour Rudy Vervoort, c'est inacceptable. Pour l'instant, tout est mis en œuvre pour que les livraisons aient bel et bien lieu, mais avec du retard pour de nombreuses familles. Elle se repose aujourd'hui et demain et son rival lui a souhaité un prompt rétablissement. Hillary Clinton souffre d'une pneumonie. C'est ce qui explique son malaise hier lors des commémorations du 11 septembre. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la santé des candidats à la présidentielle américaine du 8 novembre est devenue une question de campagne, Sonia Dittry. C'est peut-être un tournant dans la campagne. Les problèmes de santé d'Hillary Clinton inquiètent les démocrates et réjouissent ses adversaires. Après un malaise hier, le médecin de la candidate a révélé qu'elle souffrait d'une pneumonie. Clinton, qui a voulu faire bonne figure en apparaissant tout sourire peu de temps après son malaise, a annulé un déplacement en Californie prévu aujourd'hui et demain. Depuis longtemps, ses détracteurs assurent qu'elle est gravement malade. De nombreux observateurs réclament aujourd'hui davantage d'informations sur l'état de santé de la candidate, souvent critiquée pour son manque de transparence. Les conséquences de sa maladie sur la suite de sa campagne sont encore difficiles à évaluer. Si la candidate était forcée d'abandonner la course à la présidentielle, le Comité national démocrate se rassemblerait pour désigner un nouveau candidat à la majorité. Ce pourrait être son vice-président Tim Kaine, mais aussi son ancien rival Bernie Sanders ou encore Joe Biden. L'actuel vice-président avait longuement hésité à se présenter à l'élection. La situation est sans précédent et la question de la succession soulève encore de nombreux points d'interrogation. Il a fait chaud aujourd'hui, plus de 30 degrés par endroit et demain et mercredi on devrait battre des records. Au-delà de 30 degrés, pour un 13 et 14 septembre, c'est exceptionnel, c'est jamais arrivé. Le 13 septembre, le plus chaud remonte à 1947 avec très précisément 28,9 degrés. Pour le 14 septembre, il faut remonter à 1964 et là c'est un petit peu moins, 28,3 degrés. Le retour de la chaleur force Céline, la cellule interrégionale de l'environnement, a déclenché sa phase d'avertissement de niveau 1 pour forte chaleur. Les précisions de Philippe Metz, le collaborateur scientifique à Céline. Ce niveau 1 signifie que dans les deux prochains jours, la température maximale prévue à Uccle par l'IRM dépassera 30 degrés et la température minimale restera supérieure à 18 degrés, toujours à Uccle. Pour ce qui concerne l'ozone cette fois, la phase 1 dépend aussi d'un certain niveau d'ozone ? Non, la phase 1 est basée uniquement sur des critères température. Au niveau de l'avertissement de niveau 2, là, c'est soit la température si c'est une période plus longue qui excède 2 jours, si on atteint 3 jours ou plus, ou alors si on atteint des seuils d'ozone, notamment si on dépasse le seuil d'alerte et qu'on prévoit de dépasser le seuil d'information. Mais au niveau de l'ozone, on n'est pas du tout dans ces conditions actuellement. On ne prévoit d'ailleurs pas de dépassement du seuil d'ozone. Une interview de David Riffon. Et puisqu'il fait chaud, vous comptez peut-être aller à la mer demain ou mercredi et vous y verrez peut-être des dauphins. Un groupe de plongeurs en a repéré au large des côtes belges hier. C'est une belle découverte, mais ça n'est pas exceptionnel pour autant selon l'Institut Royal Belge de Sciences Naturelles. Des dauphins avaient déjà été aperçus l'année dernière. Enfin, sachez que si vous voulez vous rendre à la côte et piquer une petite tête dans l'eau, ça ne sera possible qu'à Coxyde, Blankenberg et Knokke en cette période, en ce début septembre. Merci Justine pour ce journal. On parle de cadeaux originaux, de cadeaux, enfin soit plutôt originaux, soit pourris. Vous avez déjà reçu des trucs, vous ? Enfin, des cadeaux, je suppose que vous avez déjà reçu. Des cadeaux en général pour un anniversaire ? Oui, pour n'importe quoi. Un truc où vous avez ouvert, vous avez été très surprise. Mais en bien ou en mal ? Plutôt, en général, je suis tellement difficile que je dis à l'avance ce que je veux et donc je ne suis jamais déçue. Ah, vous êtes une comme ça. Je suis une comme ça. Pas de surprise donc pour Justine. Parce qu'on nous dit par SMS, bonjour, comme cadeau, nous avons reçu un petit chien danois, 1m20 au garrot, Patricia de Genappe. Ça vous ferait plaisir ce genre de truc ou pas, Justine ? Je suis plutôt chat. D'accord, bah comme ça on le sait. Offrez un chat à Justine, vous mettez Justine dessus, enfin un petit autocollant sur le chat, Justine RTBF, et on trouvera où c'est. Merci, on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. Y a-t-il des soucis à 18h08? Et oui, malheureusement, pas mal de soucis, principalement dans les chantiers. C'est le cas sur le 411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbé-Laneuve. Défile depuis Neuchâteau, 50 minutes supplémentaires en direction d'Arlon. Ralentissement aussi dans un chantier sur le 25 Bastogne-Liège entre Tilf et Beaufailly. Et là, c'est 25 minutes supplémentaires qu'il faudra compter sur votre temps de parcours en direction de Liège. Ralentissement toujours dans un chantier sur le 40 à hauteur de Cherat, comme un peu comme chaque jour, 35 minutes supplémentaires vers Aix-la-Chapelle. Défile depuis Votem. La communauté Coyote nous signale qu'un camion est en panne dans l'échangeur de Dossou. La chaussée est fermée. C'est dans la bretelle qui relie le 42 qui vient de Liège à le 411 en direction du Grand-Duché. Une déviation est mise en place via la sortie 12 Namur-Ouest. On part vers Bruxelles. 25 minutes supplémentaires. Circulation intérieure sur le Rhin entre Zaventem et le Carrefour Léonard. 20 minutes de plus aussi en extérieur entre Zaventem et Grand-Bigard. Ailleurs, vous perdez entre 10 et 15 minutes. Ça coince dans les tunnels de Bruxelles en direction de la Basilique principalement. Et puis pour quitter Bruxelles aussi, et notamment sur le 411 venant de Gand à hauteur de Grand-Bigard. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand, ce journal des sports. Bonsoir David. Bonsoir Cyril. On va parler de foot et on appelle ça un changement poste pour poste, puisque Jankovic au Standard et Ferreira à Malines, sans le vouloir, les deux entraîneurs ont échangé leur poste. Oui, Jankovic qui a déjà pris l'équipe liégeoise en main ce week-end avec ce succès 2-0 contre Genk, alors que Ferreira a officiellement été présenté aujourd'hui à Malines. Ferreira a signé pour 2 ans, il espère jouer les playoffs 1 avec sa nouvelle équipe. Il s'est aussi exprimé pour la première fois sur son départ du Standard et ses rapports avec la direction liégeoise. Écoutez-le, il est au micro d'Éric Libois. Moi je reste avec un bon sentiment dans le sens où j'ai gagné une coupe avec le Standard, j'ai vécu des belles émotions. Avant que j'arrive, ça faisait quand même 5 ans que le Standard n'avait pas pris de titre avec des joueurs quand même très très forts qui sont passés par là. L'équipe était à la ramasse et je suis parti quelques jours avant le début de la Coupe d'Europe avec un titre en poche. Le temps du bilan viendra encore par rapport à ce que je n'ai pas bien réalisé aussi au Standard parce que j'ai des torts certainement aussi. Du genre ? Dans les choix tactiques, dans la gestion de certains moments, de certains joueurs. J'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des moins bonnes choses. Et réfléchir un petit peu à ce que je dois faire de mieux dans le futur pour être meilleur. Et finalement, dans un club de foot comme dans n'importe quelle entreprise, le principal c'est d'avoir un organigramme clair et les armées mexicaines, c'est jamais bon. Chaque club a son mode de fonctionnement et c'est pas à moi de juger. J'ai envie vraiment d'avancer maintenant et c'est ce que je fais à partir d'aujourd'hui. Et ici, vous aurez un mot à dire sur les transferts. J'imagine que vous avez négocié ça. C'est même pas dans la négociation, c'est un truc qui est typique à ce club, c'est que l'entraîneur est toujours concerné par les transferts. Donc quand la période arrivera, j'aurai certainement mon avis à donner ici, donc c'est une bonne chose, je pense. Le Standard, ce sera à refaire, vous refaites ? Aucun regret. Quand on quitte sa zone de confort dans un club et qu'au final on gagne une coupe, l'émotion que je voulais vivre, je l'ai vécue. Moi, je vais tirer des conclusions personnelles par rapport à certaines choses et je vais surtout tout faire pour continuer à avancer. Mais chez nous encore, le parquet de l'Union Belge a finalement requis 2 journées de suspension à l'encontre de Clément Tamon, exclu dimanche lors du déplacement de son équipe de Charleroi au Sporting d'Anderlecht. Le club et le joueur peuvent encore contester cette décision. On vient de l'apprendre, Bob Klaas n'est plus directeur du Standard. Il a remis sa démission il y a quelques instants à la direction liégeoise. Le dirigeant Bourgeois sera resté 5 ans sur les bords de Meuse. Retour sur ce parcours et explication de ce départ avec Thierry Duters. Arrivé au club en 2011 avec Roland Duchâtelet en qualité de directeur commercial, le jeune et brillant dirigeant Labourgeois, 30 ans à l'époque, avait rapidement tissé de bons liens avec les partenaires du matricule 16, aidé en cela par ses talents de polyglotte et notamment sa maîtrise du français. Mais à la surprise générale, il devient directeur lors du rachat du club en 2015 par Bruno Venanzi, qui appréciait ses qualités de gestion, sa discrétion et sa compétence. D'aucuns y voyaient même un accord secret, où Klaas serait une sorte de gage de continuité entre l'ancienne et la nouvelle direction, vu la dette engendrée par la réduction de capital de 10 millions d'euros. Dans l'organigramme du club New Look, tout était clair à Sclessin. Axel Lavary s'occupait du sportif et Bob Klaas de l'administratif. Mais la prise de pouvoir progressive du binôme Enrothé-Van Buyten a considérablement changé la donne depuis. Lavary a été viré et Klaas prié de ne pas s'immiscer dans les dossiers sportifs. Cette guerre des clans avait engendré une ambiance assez pesante dans les bureaux à bord de Meuse. Son rôle sera-t-il officiellement repris? Pas sûr, dès lors que Bruno Venanzi entend désormais s'investir davantage dans la gestion quotidienne du club. Et puis à l'étranger, c'est mercredi que l'UEFA se choisira un nouveau président. Président qui succédera à Michel Platini, le Français qui avait démissionné de la Fédération européenne, pourra assister à ce congrès de l'UEFA lors duquel son successeur sera élu. La FIFA l'y a exceptionnellement autorisé. Deux candidats briguent la présidence. Le néerlandais Michael Van Praag, président de la Fédération de son pays, et son homologue slovène Alexander Seferin. Retour à présent sur la perf de la nuit, la victoire de Wawrinka à l'US Open. Oui, le Suisse a dominé le Serbe en 4-7 en finale de Flushing Meadows. Wawrinka, c'est l'homme des grands rendez-vous. 21 matchs contre un numéro 1 mondial disputé dans sa carrière, 18 défaites et 3 victoires. Mais ce qui frappe, c'est que ces 3 succès en 21 matchs face à un numéro 1 mondial l'ont été en finale d'un grand chelem. Autre statistique, c'est le troisième titre majeur remporté par le Suisse en 3 finales disputées en grand chelem. Monsieur 100% donc. À niveau régularité, difficile de faire mieux. Wawrinka, plus que jamais l'homme des moments importants. Laurent Favre est journaliste au journal Le Temps et auteur d'un livre sur le joueur suisse. Lui répond que plus il avance dans les tournois et plus il se sent en confiance. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Hein. C'est pas un faux modeste. Quand il dit qu'il vient pas sur un tournoi pour le gagner, c'est vraiment ce qu'il pense. Par contre, il sait que plus il passe les tours, plus il entre dans son schéma de jeu, plus il est en confiance et plus il devient difficile à arrêter. Ça, il en a aussi très conscience et il commence à se rendre compte que ses adversaires le savent et s'en rendent compte. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que sur cette finale, c'est la première fois qu'il était très tendu avant, limite au bord des larmes, et qu'il craignait tout d'un coup de perdre cette force, cette insouciance, cette invincibilité en finale. Donc peut-être ça va devenir aussi plus difficile pour lui maintenant de prolonger cette série de victoires en finale. Interview de Lise Burion. Cette victoire à New York a permis à Wawrinka de remporter beaucoup de points au classement ATP. Il talonne désormais Andy Murray, il est troisième. Djokovic trône toujours en tête du classement mondial. Dégringolade par contre pour Federer, blessé depuis plusieurs semaine et qui recule au 7e rang. Goffin est toujours 14e à l'ATP et premier belge. Et puis chez les filles, c'est Angélique Kerber qui s'installe sur le toit du monde du tennis mondial. Elle est officiellement numéro 1 mondial depuis ce matin après sa victoire à New York ce week-end. Du tennis aussi à Rio ce soir avec Joachim Gérard qui poursuit le tournoi paralympique. Oui, il disputera tout à l'heure le 8e de finale. Il sera opposé au français Michael Jeremias, un adversaire qui avait battu de la Murois il y a 8 ans justement aux Jeux de Pékin. C'était notre première rencontre, ça date d'il y a 8 ans et par la suite on s'était pas rencontré jusque 2013. Je l'ai quand même battu 10 fois alors que lui une seule fois, donc voilà. Mais au tennis, voilà, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On peut être battu par n'importe qui et ça fait partie du jeu. Il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui font les paramètres de ce sport et il faut faire avec. Et dans tous les cas, essayer de ne pas lui laisser de l'espoir dès l'entrée de la rencontre. Interview de Manu Debièvre, envoyé spécial à Rio. Et puis toujours au Brésil, le Belge Florian Vanacker disputera ce soir aussi la finale du tournoi tennis de table pour personnes handicapées mentales. Il espère évidemment faire aussi bien que Lorenz De Vos qui avait décroché l'or hier. Ce lundi soir, on suivra aussi l'entrée en lice de notre cavalière Michelle Georges, double médaillée d'or il y a 4 ans à Londres. Elle a déjà remporté le test team, un événement qui n'est pas à proprement parler médaillable, mais qui est déterminant pour la participation à la finale. Merci beaucoup David pour ce journal des sports. Il est 18h16. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité, du soleil, comme s'il en pleuvait. On va parler de soleil dans un instant. Il va faire chaud, très très chaud, jusqu'à 30 degrés. On va passer les 30 degrés. Et à la côte de la mer du Nord, enfin, dans notre mer du Nord, il sera quasiment interdit partout de se baigner. On y revient dans quelques minutes dans ce 5 à 7. On parle aussi de cadeaux, les beaux cadeaux de mariage ou pas de mariage, mais les cadeaux un peu surprenants, les cadeaux originaux cet après-midi. Avec cette histoire, un couple qui est marié depuis 9 ans et qui n'avait pas encore ouvert un cadeau qu'une tante avait offert. Et sur cette boîte, il est écrit à ouvrir uniquement lors de votre premier désaccord. Alors, ils avaient oublié qu'il y avait ce cadeau-là. 9 ans après, ils l'ont ouvert et à l'intérieur de cette boîte, bah de l'argent d'un côté pour acheter une pizza et prendre un bain et de l'autre, de l'argent pour aller se détendre, acheter un bouquet de fleurs et du vin histoire de se réconcilier. C'était une bonne idée, c'était original. Quels sont les cadeaux originaux que vous avez reçus ou vous avez fait? Ça peut être des beaux ou des cadeaux un peu pourris aussi. N'hésitez pas, 3063 par SMS. On va tout de suite retrouver Catherine à Watermal Boisfort. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Catherine, vous avez passé une bonne journée? Excellente. Bon, bah alors, tout va bien. Catherine, cadeau original, ça vous dit quoi? Ah, moi, j'adore faire des cadeaux originaux. Ah, donc, vous avez fait quoi? Le plus beau, c'était mon amoureux. Donc, c'était la première année, on se connaissait. Donc, j'ai envoyé ma collègue, il était malade. J'ai envoyé avec une petite boîte. C'est dangereux, ça. Faites gaffe à envoyer les collègues. Et donc j'ai envoyé des médicaments, le journal du jour, le petit déjeuner, croissant, jus d'orange. Et puis j'ai envoyé un ballon, on peut faire gonfler des ballons, et j'avais glissé une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y avait juste une adresse, rien d'autre. Une heure, une date, une adresse. Non. Et de mon côté, j'avais été réservé à un restaurant magnifique où pendaient des costumes de théâtre. J'avais choisi le menu, j'avais tout payé. Et donc on s'est retrouvé le soir, il s'est assis, il a été servi comme un prince. Oh bah ça, et c'est donc, sympa. Voilà. Ça c'est du beau cadeau, ça c'est original. C'était mon premier cadeau et donc c'était magnifique. Mais quand c'est votre premier cadeau, ça met la pression pour la suite. Ah non mais j'en fais tout le temps, j'adore faire des surprises à tout le monde, j'essaye, ça me procure beaucoup de plaisir de faire des cadeaux comme ça, plus que de rentrer dans un magasin, d'acheter et d'emballer. Donc voilà, c'est l'idée de surprise et de regarder le regard des gens quand ils s'y attendent pas. Ah bah c'est génial, je vais vous donner l'adresse du studio, comme ça vous pouvez nous faire des surprises quand vous voulez chez Vivacité. Je vous fais des bisous. D'accord. Catherine, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt, soirée, 18h19, on va faire une toute petite pause. Et puis dans un instant, on revient sur cette info. Donc si vous comptez aller ce week-end à la mer du Nord et vous baigner, eh ben ce sera peut-être interdit. On en parle juste après ça. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée Blouvin, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Chez Vandenborre, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborre.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. À la recherche d'une voiture neuve ou d'occasion, trouvez-la parmi plus de 120 000 véhicules sur le nouveau site du Moniteur Automobile. Moniteuroutomobile.be, l'actu auto en temps réel. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité au soleil. Exposer un peu plus au soleil. On va dépasser les 30 degrés dans les prochains jours. On lisait tout à l'heure dans le journal de Justine Herman, c'est du jamais vu pour un mois de septembre. Baignade interdite par contre presque partout à la mer du Nord. Alors pourquoi? Si on a quelques jours pour en profiter, peut-être même ce week-end, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas se baigner? On va en parler avec le bourgmestre de Knokke. Léopold Lippens est avec moi ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ben, ça va super bien, il fait beau, il fait chaud. Comment ça ne pourrait pas aller? Vous aussi, mais vous oui, allez bien? Magnifique. Mais oui, il fait magnifique ici à la mer du Nord. Ah ben alors, la mer du Nord, c'est joli, c'est bien, mais on aime bien aller se baigner et on peut pas, c'est interdit pour le moment. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la définition du mot se baigner. Qu'est-ce que veut dire se baigner? Baigner, ça veut dire nager. Il y a très peu de gens en fait qui nagent en mer du Nord. Beaucoup de gens vont dans la mer, se promènent dans la mer, s'assiedent dans la mer, courent dans la mer. Personne ne les interdit, ni en été, ni en hiver, avec sauveteur ou sans sauveteur, ça n'a pas d'importance. Donc patauger, on peut, quoi. Voilà, aller jouer dans l'eau, ça, entendu, on peut. Mais bien entendu, il y a juste un journal qui a envoyé toujours des messages négatifs, mais enfin, là, on est habitué avec eux. eh bien, il n'y a pas un très grand souci. Attention, il n'y a pas assez de maîtres nageurs sauveteurs parce que c'est des étudiants pendant l'été, et là, on n'en a plus. Mais donc, en gros, ça ne change pas grand-chose, cette annonce. Mais évidemment que non. Par exemple, à Knokke-Heist, on a 15 km de côte. Ouais. Bien, ces 15 km de côte, moi, je ne sais pas les contrôler. De toute façon. Non plus, si. Donc, il y a une série de zones où on peut nager, il y a une série de zones où on ne peut pas nager. Eh bien, les gens peuvent patauger, peuvent se mettre dans l'eau. Il fait chaud. Surtout, venez à la mer, mettez-vous dans l'eau et profitez-en. Mais il ne faut pas nager. Il faut éviter de sortir ou d'aller dans une profondeur qui n'est pas la vôtre. C'est ça, on reste au bord, on s'amuse dans l'eau. Oui, voilà. Évidemment. Ah, ben ça, c'est parfait. Et c'est le plaisir de la vie. Il fait chaud, les gens veulent en profiter. Et c'est un endroit magique parce qu'il fait effectivement un peu plus frais qu'à l'intérieur du pays. Et donc voilà, venez surtout nombreux et n'hésitez pas. Et ça vaut pour toute la côte belge, bien entendu. Donc ce n'est pas seulement ici à Knokke-Heist, c'est aussi bien sur le restant de la côte que ceci est possible. Et voilà, et c'est des nouvelles toujours négatives qu'on essaye de donner en disant on ne peut pas se baigner. Ben non, on ne peut pas se baigner, mais on peut se patauger, on peut marcher, on peut faire ce qu'on veut dans l'eau. Déjà très bien. Voilà. Merci pour ces précisions. On sait qu'on va pouvoir profiter de ces quelques jours de beau temps quand même pour aller à la mer. Merci Léopold Lippens. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est l'heure tout de suite de retrouver Candice Cotter à 18h25. 5 à 7. On est lundi aujourd'hui et comme tous les autres jours de la semaine, on retrouve Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Ce soir, une adresse osée. Qu'est-ce que c'est ? Mais qui vaut le détour. On va parler de quoi ? Le Bunyadi. Le quoi ? Le Bunyadi. Bunyadi. C'est un resto concept qui a ouvert ses portes à Londres d'abord et qui a immédiatement affiché une liste d'attente de 6 mois. Le concept, vous savez quoi ? Faut pas avoir faim quand même. Attendez, vous savez ce que c'est le concept ? Alors, je cherche un nom avec le Bunyadi. Boudin ? On sert que du boudin ? Non ? Je sais pas, j'essaie, je joue. Peut-être ? L'idée, c'est qu'on y mange nu. Votre boudin, ça peut fonctionner, mais c'est pas l'idée. Non. C'est spécial, ça, quand même, de manger nu. Ah, c'est exceptionnel. On y mange nu. On y mange totalement nu. Donc, en gros, grande nouvelle, le Bunyadi s'apprête à ouvrir à Paris maintenant, ce mois-ci, dans une version pop-up. Donc, c'est toujours des restos en version pop-up. Ça disparaît après. Ça disparaît. Ici, ce sera pour 2 mois de temps. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver. L'idée, c'est qu'on se déshabille une fois la porte d'entrée franchie pour déguster les plats proposés. Notez que les plus timides peuvent tout de même garder leurs vêtements s'ils le souhaitent. Mais honnêtement, on va dans un resto comme ça, on garde ses vêtements, soit on passe pour un pervers fini. C'est vrai. C'est vrai, hein, sans déconner, ça ne va pas. Ou alors vraiment, vous êtes un outcast, vous rentrez jamais dans le rang, vous êtes là, tout le monde vous regarde. Donc c'est pas le principe. Donc en gros, vous pouvez si vous le voulez, mais je pense qu'ils mettent ça pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise et grossir la liste d'attente. C'est pas l'idée. Le restaurant est de toute manière imaginé de sorte que vous ayez quand même une petite intimité préservée. Vous avez sur internet des images des salles des Bunyadi, des différents Bunyadi du monde, et vous avez des espèces de panneaux de bambou entre chaque tablée pour que vous n'ayez quand même pas les fesses de votre voisin directement dans votre assiette. Oui, parce que l'idée c'est quand même de manger aussi, il faut qu'on ait envie. Mais on pourrait, ça dépend des fesses de la personne à côté. C'est vrai. On est dans du 100% naturel, à tout niveau donc. Nourriture comprise, vous avez de la nourriture végétarienne, vous avez de la non-végétarienne Bunyadi, donc on est dans de la nourriture d'inspiration indienne. Et vous pouvez réserver, mais dépêchez-vous parce que ça ouvre maintenant. Donc si vous avez envie de vous faire un petit trip jusque-là et un trip tout court vu le principe, eh bien les infos réservations, c'est via la page Facebook officielle de Bunyadi Paris. Je vous mets les infos sur vivacité.be. Mais ça sert à quoi de manger nu ? Mais c'est une expérience, c'est comme, vous souvenez à l'époque, on mangeait les yeux bandés et on était là dans l'idée, c'est de redécouvrir. Ouais, mais là il y a un truc, voilà, c'est de redécouvrir les saveurs. Le plaisir. Ben, ouais. Ici, le manger nu, c'est être dans sa nudité, retrouver l'originel et voilà, le plaisir des sens. Faut juste pas renverser un truc chaud, parce que là il n'y a pas le vêtement qui protège, c'est directement sur nous. Ça c'est une conception typiquement masculine à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui a toute sa pertinence. N'est-ce pas ? Heureusement que je suis là dans cette émission. Heureusement que vous êtes là. Merci. Attention à la sauce. Oui, ben voilà, faut faire attention à la sauce. On vous retrouve demain dans ce 5 à 7. Bonne soirée. Je vais vous parler d'une championne de l'épluchage de patates dans quelques minutes dans 5 à 7. Elle s'appelle Isabelle, donc elle a gagné un championnat d'épluchage de patates. Déjà,

Bretagne. Camion en panne dans l'échangeur de Dossou, chaussée fermée. Ça se passe dans la bretelle qui relie le 42 venant de Liège à le 411 en direction du Luxembourg. Une déviation a été mise en place. On quitte cette région pour aller vers Bruxelles. 20 minutes de plus en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard. Pareil pour l'intérieur entre Zaventem et le Carrefour Léonard. Ailleurs, vous perdez en moyenne une dizaine de minutes. Et puis ça ralentit encore dans le centre-ville de Bruxelles, vers la basilique, mais aussi dans le tunnel Reyers Centre, vers le centre. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Saviez-vous qu'il y a une championne de la patate en Wallonie? Bah oui, bah ça existe. Championne d'épluchage de patate. On l'aura dans quelques minutes avec nous. Elle s'appelle Isabelle. Elle sera l'invitée de ce 5 à 7. On parlera dauphins aussi dans un instant. Les dauphins sont étudiés par des chercheurs depuis des années. Ils se sont rendus compte de quelque chose. Les dauphins communiquent entre eux. Mais à la différence des humains, qui le font aussi, ils ne s'interrompent jamais. On voit ça dans quelques secondes. Et puis on parle de cadeaux plutôt originaux ce soir. Au 3063, vous me dites si vous avez déjà fait, reçu un cadeau original, beau ou pas beau d'ailleurs. Et on va tout de suite chez Marie à Chimay. Bonsoir Marie. Bonsoir Cyril. Bienvenue Marie, je suis content de vous avoir au téléphone en ce lundi. Ah mais moi aussi. La journée a été bonne, vous avez fait quoi? Au jardiner bien sûr. Ah bah par ce temps-là, attention, pas trop rester au soleil hein Marie. Ah mais j'y vais jamais hein. Ah donc vous allez au jardin mais pas au soleil. J'adore le soleil, mais je ne m'y expose pas. Ah bah c'est bien ça, parce qu'il faut faire attention, il faut bien s'hydrater, on le rappelle aussi. Marie, si vous êtes là, c'est pour parler de cadeaux originaux, racontez-moi votre histoire. Ah ben c'était dans une autre époque, on va dire, hein, il y a très longtemps. Ma mère, à la Noël, nous faisait toujours un cadeau et on était quatre filles. Et il n'y avait jamais que moi, en général, qui osait dire quelque chose. Et quand les cadeaux sont arrivés sur la table, j'ai dit pour détendre l'atmosphère, puis on avait bu un peu de vin. « Ah, mais moi cette année, je veux bien tout ce qu'on veut comme cadeau, mais je ne veux pas un cadeau pour travailler. Ouais. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas de tablier, pas de machin comme ça, rien pour travailler. » Et là, j'ai ouvert le cadeau et il y avait un tablier. Non. Bleu, je m'en rappelle. Bleu, je l'ai toujours détesté. Et c'était quoi la réaction? Il y avait déception alors de vous faire ce cadeau-là ou pas? Non, ma mère avait fait un cadeau plutôt par obligation qu'autre chose. D'accord. Non, ça a bien fait rire tout le monde parce que j'avais le don de mettre les pieds dans le plat. Ah bah ça, là. Bon, c'était génial, quoi. Les autres ont bien rigolé et puis voilà. Mais c'est vrai que les cadeaux, moi maintenant, j'ai appris à me les faire moi-même. Ah bah ça, c'est bien aussi. Vous avez bien raison. Faut savoir se faire plaisir, Marie. Eh bah écoutez, exactement. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée alors. Mais également, je vous souhaite un très gros cadeau ce soir. Ah bah, merci bien. Bonne soirée, à bientôt. Il est 18h35. Jusqu'à 19h. 5 à 7. J'espère que madame écoutait. Le vœu de Marie sera exaucé. On va parler dauphins tout de suite dans le 5 à 7 sur Vivacité. On va parler des dauphins qui, comme les humains, discutent. Mais selon une étude, ils discutent sans jamais s'interrompre. Christian Michel, vous êtes conservateur de l'aquarium de Liège. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. Alors les dauphins, on les étudie de tous les côtés depuis des années. C'est quand même fascinant comme animal. Et alors donc, ils ont un respect mutuel. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Bon, en fait, l'article qui vient de paraître montre que les dauphins, dont on sait que ce sont des animaux sociaux, sont capables d'émettre des sons en permanence. Bon, ça, ce n'est pas réellement une grande nouveauté internationale, mais l'étude des signaux a montré qu'ils sont capables d'émettre des signaux qui sembleraient constituer quelque chose qui est un échange entre les deux individus, l'un avec l'autre. Et effectivement, il a montré qu'il n'arrête pas une seconde. Mais ça, j'ai des exemples aussi dans l'espèce humaine. C'est vrai, vous en connaissez qui n'interrompent pas? Oui, il y a des gens dont on a très difficile de les faire taire. Moi, par exemple. Oui, mais vous pouvez parler, et puis à un moment, quelqu'un vous dit d'arrêter. Absolument. Voilà, mais tandis ici, que le dauphin, lui, apparemment, pas. Apparemment, ce sont les deux seuls dauphins qui sont dans l'enclos, donc ils ont probablement développé des relations sociales entre les deux individus, et il est vraisemblable que les signaux qu'ils émettent font partie de ce genre de discussion. Ça fait partie de leur façon de vivre ensemble. Bon, il y a des tas d'animaux qui émettent des signaux sonores ou autres, quand ils sont l'un avec l'autre. ici, bon, ben, il a montré ce genre de choses. De là à en conclure qu'il y a un langage organisé, un langage conceptuel, et peut-être un jour la possibilité de parler d'eau fesse, ça me paraît ça avance encore peut-être très, un très peu. Rapide. Ici, c'est une étude qui a été menée donc à la réserve marine de Karadag en Crimée. C'est deux dauphins, Yasha et Yana, qui ont été observés. Le fait qu'ils soient justement uniquement deux dans ce bassin peut aussi influencer la recherche alors. Vraisemblablement. En fait, tous les animaux sociaux ont besoin de ces contacts sociaux. Et ici, comme leur nombre est réduit à deux, apparemment depuis relativement longtemps, ben, il est vraisemblable qu'ils ont développé ce système de communication entre eux, qui est simplement peut-être une espèce de communication de confort, quoi. Ils signalent à l'autre où ils sont en permanence et des choses de ce genre. Il ne faut pas nécessairement penser qu'ils sont capables de discuter de ce qu'ils ont mangé à midi ou des projets plus compliqués. Vous savez faire le dauphin, vous ? Très très mal. Allez-y, je fais plutôt l'otarie, moi. C'est mon physique de référence. Ah bah, faites l'otarie si vous voulez. On va voir dans l'équipe ici qui sait faire le dauphin. Je vous écoute. D'accord. Pour l'otarie. Ah ouais, pas mal. Alors, on va voir avec Guillaume dans l'équipe. Guillaume, est-ce que vous arrivez à faire le dauphin ? On vous entend, allez-y. Voilà, je viens de le faire. Ah, quel escroc. Non, mais une vraie tentative. Ah oui, c'est donc un dauphin oiseau. Caprilo. Ouais, non, voilà. Mais c'est pas mal. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission. Christian Michel, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h39, il y a des cadeaux à gagner. Je vous en reparle juste après Pop Story. C'est Marc Toesca ce soir. 17h-19h, 5 à 7. Pop Story. Marc Toesca. Le 16 septembre 1807, l'empereur Bonaparte crée la Cour des comptes, juridiction censée réguler et contrôler les finances publiques. Ah, le salaud, oui, c'est bien toi, mec. T'as failli me faire choper. Tu m'as foutu dans la merde. Ou j'ai perdu tout mon pognon à cause de toi, bordel de merde. Ça va pas la tête ? En ce jour anniversaire, Pop Story vous propose une sélection de chansons dédiées au fric, au pognon, au brousouf, bref, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'argent. Dès 73, Pink Floyd signe la plus célèbre de ses chansons liées à l'argent, Money, dont l'intro de tiroir caisse enregistreuse hante depuis l'histoire du rock'n'roll. Vous avez un billet de $50 ? Mais tu vas me le rendre ? Putain, envoie un billet de 50 ! Pour les pingres de tout poil, ceux qui élèvent la radinerie au rang de qualité universelle, rien n'égale le brûlot du groupe IAM. Le titre ne laisse planer aucun doute sur les intentions d'Akhenaton et sa bande. Ça s'appelle « Des sous ». C'est comme si Molière avait fait du rap et écrit l'avare dans les quartiers nord de Marseille. Ouais, ça surprendra sûrement la famille entière quand je vais devenir le plus riche du cimetière. Cela dit, ils sont majeurs et vaccinés. Je vois pas pourquoi je continuerai à les subventionner. Depuis que je suis à la retraite, sans cesse ils me harcèlent, mais aucune chance que je cède, non. Et quand ils sont pas là, j'en rêve, c'est fou. Ils sont debout devant moi. Papa, réveille-toi, on veut des sous. Pop Story. C'est en observant deux livreurs d'électroménagers reprendre leur souffle tout en regardant un clip diffusé sur MTV que Mark Knopfler a eu l'idée du texte de Money for Nothing. Les deux gaillards ont bien dit, en plus rustique et velu, une phrase du genre « J'aurais dû apprendre à jouer de la guitare pour gagner des montagnes de thunes et faire le zozo à la télé ». L'adaptation deviendra en musique le plus gros carton planétaire de Dire Straits. Avec argent trop cher en 1980, Téléphone y va de son couplet contre la surconsommation et le pouvoir de l'argent. Une chanson au caractère prémonitoire. On ne sait pas encore que cette décennie qui s'annonce sera perçue comme celle de la finance, du capitalisme dominant et de la starisation de quelques audacieux flambeurs qui amassent des fortunes par des moyens pas toujours avouables. Houston, argent trop cher, c'était en 1980, au début d'une décennie que l'on qualifie aujourd'hui comme celle de l'argent. On va parler patates dans un instant dans le 5 à 7. Il y a un championnat d'épluchage en Wallonie et on aura la gagnante de ce championnat, celle qui épluche le plus de patates en un moins de temps possible. Isabelle sera l'invitée de ce 5 à 7 dans quelques minutes. Il y a des cadeaux ce soir aussi à gagner. Ce soir à la télé, c'est une soirée VIP. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ce que vous verrez ce soir à la télé avec Christian Clavier, il y a Chantal Lobry, il y a Chantal Lobby, il y a Harry Habitant aussi. Vous allez bien vous marrer ce soir et vous pouvez repartir avec le film en DVD. Maintenant, il suffit d'envoyer, vous envoyez quoi? Bah DVD par SMS au 6003. 75 centimes le message. DVD, vous envoyez ça maintenant et avant 19h, ça part chez vous. Donc je vous rappelle que je vous offre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Une toute petite pause dans un instant. Les enfants de cœur, on parle de Madame Patate, en tout cas celle qui pluche le plus vite les pommes de terre en Wallonie. Et puis on saura qui repart avec le cadeau. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'Île-aux-Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendervol. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'Île-aux-Sacré. Toutes les infos sur îleauxsacré.be. Hyundai, c'est automiseur. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Jusqu'à 19h, 5 à 7. 18h47. Tous les jours des patates. Je sais pas si Isabelle elle mange des patates tous les jours. En tout cas elle les épluche très très très vite. Isabelle Dantine est la Philippe Gilbert de la patate. C'est comme ça qu'on l'appelle, la championne wallonne d'épluchage de pommes de terre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Cyril. Je vous appelle comment? Isabelle, Philippe Gilbert de la patate, Madame Patate, qu'est-ce que vous préférez? Oh, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, hein. Bah Isabelle, c'est mignon, on va garder Isabelle. Isabelle, vous avez épluché 7,5 kg de pommes de terre en 20 minutes. Comment vous faites ça? Ah bah, avec un éplucheur, hein. Merci. Non, parce que 20 minutes, moi j'en fais 2 en 20 minutes, vous savez ça? Bah, allez, vous en faites au moins 4, hein. 4, d'accord. Une par 5 minutes. On est loin des 7,5 kg, il y a une technique particulière? Bah, je n'ai pas de technique. En fait, je pèle des pommes de terre depuis toujours. Et alors ici, je me suis dit, bah, il faut aller vite. Et donc, j'ai mis la vitesse en plus du fait de peler des patates. Voilà. Voilà. Et vous n'avez pas peur de vous couper? Moi, c'est un truc, c'est toujours ma phobie quand je suis en train de couper des légumes. C'est qu'à un moment, ça dérape et bam, dans le doigt. Non, c'est justement là toute la dextérité qu'il faut pour peler des pommes de terre. Mais vous vous entraînez pendant l'année pour être championne? Parce que je dis que vous êtes championne cette année, mais ce n'est pas la première fois. Vous avez déjà fait 2010, 2012, 2013, 2014 et donc maintenant 2016. Mais non, je ne m'entraîne pas, sauf que, comme vous dites, je mange des pommes de terre presque tous les jours. Donc, je prends plaisir à les peler en essayant d'aller le plus vite possible, ça c'est vrai. Et, ainsi que les carottes, ainsi que les concombres. Qu'est-ce qu'il faut comme, comme patate pour les éplucher rapidement? Parce que, vous savez, il y a les petites, il y a les plus grosses, qu'est-ce qui permet de gagner le plus de temps? Alors ça c'est une question qui vaut la peine parce que je suis toujours la dernière pour commencer parce que je choisis mes patates avant pour les peler. Et donc vous choisissez lesquelles? Je sais que je vais bien tenir dans ma main, qu'il ne va pas me glisser dans les doigts et donc et je prends une qui n'a pas trop de bosse et cabosse et pas trop de difficultés là, des trous. Plus c'est lisse, plus on va pouvoir éplucher rapidement parce que c'est vrai que toutes les bosses, tous les plis, on va galérer pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et le jury, il fait quoi? Il vérifie si tout est bien épluché, s'il reste encore un petit peu, ça compte ou pas? En fait, il vérifie qu'il n'est plus dieu. La patate doit être vraiment très belle. Plus dieu? Si jamais il y a encore une pelure ou un œil qui reste, alors il l'élimine, il ne la pèse pas, quoi. Il la sort de votre paquet, quoi. Et vous n'avez jamais eu ce problème-là, alors? Non, parce que j'aime justement bien peler les pommes de terre, mais comme je l'ai choisie, c'est pas trop difficile qu'elles soient bien pelées. Alors, comme on parle à la championne de la pomme de terre en Wallonie, Isabelle, c'est quoi la préparation que vous préférez avec les pommes de terre? Moi, c'est les frites, hein. Ah bah, ça c'est vrai, ça c'est bon quand même. J'aime bien le gratin dauphinois aussi, mais les frites, je trouve que c'est très gai de les préparer. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Vous bossez dans quoi, Isabelle? J'ai fait plusieurs choses. Au départ, je me suis occupée d'enfants sourds. Mmh. Et puis alors après, j'ai épousé un fermier. Donc j'ai commencé dans tout ce qui touche la ferme, que ce soit la traite de vaches, le beurre, le fromage, la crème glace. La récolte de patates. Et alors l'organisation de journées portes ouvertes, de journées de patrimoine. Mais donc jamais vous n'avez pensé ouvrir une friterie avec ce talent-là? Mais si! Mais j'ai beaucoup de choses à faire, alors ce n'est pas encore le moment, mais je me suis dit ça pourrait marcher parce que j'adore faire les frites et j'adore peler les pommes de terre et j'adore servir les gens. Alors, Isabelle, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre une friterie tous les deux, on ouvre un petit truc. Moi, je suis au comptoir et vous faites les frites. Ah, moi, je fais bien, moi. Ah, On se lance dans un business et on vend tout ça un jour, on fera ça, un truc au profit de Via for Life. On se fait ça? Pourquoi pas? Voilà, Isabelle, le rendez-vous est pris. On s'organise. D'accord. Ça. Je vous fais des bisous, Isabelle, et félicitations encore pour votre titre de championne. Merci. À bientôt. Oui. 7,5 kg de pommes de terre en 20 minutes. Dominique, ça vous parle, ça? Vous arrivez à le faire? Non, pas vraiment, mais je vais bien m'entraîner. C'est un an pour le faire. C'est impressionnant. Ah, ouais. Impressionnant. Je vous inscris déjà au concours de l'année prochaine, Dominique. On va parler d'une artiste qui marche plutôt pas mal en ce moment, et depuis des années, Beyoncé. Qu'est-ce qui se passe avec Beyoncé, Dominique? Parce qu'on parle de surprise depuis le début de l'émission, sachez que Beyoncé, elle sait faire des surprises, figurez-vous, même en plein milieu d'un concert. On peut lire ça notamment sur le site info7sur7.be. Ce week-end, lors d'un concert à Saint-Louis, figurez-vous qu'elle a fait une surprise à son équipe. Elle a fait une surprise à quelqu'un du staff des danseurs, de la team danseurs et de la team choriste. C'est-à-dire qu'elle a interrompu carrément sa performance pour tendre son micro à l'un de ses danseurs qui s'appelle John. Le brave John s'est dirigé vers la femme de sa vie, Ashley, qui est l'une des danseuses principales de Beyoncé. Pourquoi s'est-il avancé vers elle, à votre avis? Demande en mariage. Pour lui déclarer son amour et lui demander, la demander en mariage, à genoux, s'il vous plaît. C'est beau, c'est joli, vous voyez, ça. Vous imaginez. Et évidemment, elle était en plein moment, à ce moment-là, elle entonnait la chanson Single Ladies. C'est pas très raccord. Single ladies, c'est-à-dire qu'elle allait plus être single, là. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ouais. Voilà, effectivement. Après, elle a repris son concert et ils étaient évidemment tous émus, les applaudissements du public, etc. Beyoncé était encore plus émue et a continué sa chanson. Qui devra peut-être changer de titre, Philippe. Effectivement, on leur souhaite plein de bonheur. À propos de mariage, il y a Béatrice de Liège qui a envoyé un SMS au 3063 qui dit « Ma grand-mère m'a offert, entre autres, pour mon mariage, tous les produits utiles dans un ménage. Sel, poivre, épices, produits d'entretien, brosse, serpillière, elle n'avait rien oublié. J'avais plus qu'à remplir mes armoires. » C'est sympa aussi, c'est original comme cadeau d'avoir tout ce qu'il faut pour remplir ses armoires. Des petits cadeaux, parfois tout bêtes, qui peuvent faire plaisir. Dominique, vous, si je vous dis cadeau original, vous pensez à quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, Je ne sais pas ce que j'ai fait ou que je souhaiterais recevoir. Ah ben, par exemple, cadeau original que vous aimeriez recevoir. Le truc le plus fou qu'on pourrait vous offrir. Oui, mais je n'ai pas d'idée, mais j'aime bien les choses complètement improbables. D'accord, bah si vous n'avez pas d'idée, vous n'aurez pas de cadeau, tant pis pour vous. J'étais prêt à l'offrir. Mais si, surprenez-moi. Oui, oui, je vais vous surprendre. Merci Dominique. J'assumerai. Il est 18h53, il est l'heure de retrouver les meilleurs moments des enfants de cœur. 5 à 7 sur Vivacité. Les enfants de cœur. Pourquoi ? Pour qui ? Où ça ? Avec qui ? Quand ça ? Combien ? À quelle heure ? À quelle heure ? Quelle heure ? Saviez-vous ? Mais comment ? Bonjour mesdames et messieurs. Alors David Bartholomé, bonjour. Bonjour. Alors David Bartholomé, donc, on l'a dit, vous êtes né à Arlon, en province du Luxembourg. On connaît tous le slogan de la religion, une ardeur d'avance. Est-ce que vous avez déjà eu des avances d'un ardeur ? Là, il ne donne pas la réponse. Il ne faut rien répondre, David. T'inquiète pas, je continue. J'ai une deuxième question pour toi. Alors, en parlant de ardeur, j'ai appris donc, que vous aviez fait donc, une partie de carrière en solo. Alors, je ne sais pas si dans la musique, c'est facile de faire carrière en solo. On sait que dans d'autres métiers, comme dans le X, par exemple, c'est beaucoup plus dur de faire carrière en solo. Rocco Siffredi a fait une belle carrière en groupe, mais en solo, il aurait ramé beaucoup plus, c'est sûr. Donc, le rock, c'est mieux en groupe ou en solo ? Le rock en groupe ? C'est mieux en groupe. Le rock C'est moi là non. que je peux rencontrer la connerie de ma question. C'est un monologue, David. Hein. Je voulais savoir pas. Si la margarine s'est mieux en groupe ou en solo. Elle est bonne. Bon, elle est très bonne. Mais ardeur aussi, ardeur, tu peux faire carré solo, mais il faut juste te prendre en main. Et la guerre des étoiles, c'est mieux en groupe ou en solo? David, une question plus sérieuse pour toi qui es dans le rock pur et dur. Qu'est-ce que tu préférais ? Tu préférais faire un duo avec Claude Barzotti ou faire la première partie du Grand Jojo ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Moi, ce qui me plairait le plus, c'est être le quatrième dans la course des frères Borlée. Quatrième ? Oui, ouais. celui qui gagne, celui qui gagnerait, quoi. Oui, Julien Watrin. Oui. Oui, voilà. J'aurais bien voulu avoir le nom, mais je n'ai pas eu votre... Moi, j'ai le nom, mais je cours pas vite. Et alors, à propos de... Julien Watrin devait venir ce matin. Oui. Et en fait, il ne vient pas parce que c'est la fin de la kermesse de Dampicourt. T'as encore une question, Jim Dino ? Éventuellement, j'ai une dernière petite question. Alors, charcon, on sait que ça vient du mot shark, hein, requin. Est-ce que vous avez peut-être hésité avec d'autres poissons d'abord Par exemple, la truitco ou Rolomopsco, ça aurait pu fonctionner. Ça vous fait rire. Oui, mais on te demande surtout une réponse. On n'aura plus de réponse de David. Foutez-lui la paix. Merci beaucoup pour ces réponses vachement intéressantes, David Bartholomé, et ce brillant questionnaire, Jim Dino. Les enfants de cœur seront de retour demain dans le 5 à 7 et d'ici là, vous les retrouvez sur vivacité.be. On va à Bruxelles tout de suite chez Émilie qui est avec moi au téléphone. Bonsoir, c'est Eric pardon qui est là. Bonsoir Eric. Mmh. Bonsoir, Émilie, comment allez-vous? Ça va bien, Émilie, c'est un morceau de votre adresse, on va pas dire le reste. Eric, voilà. Vous avez envoyé un SMS parce que vous avez envie de repartir avec un petit DVD ce soir. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison, ça passera ce soir à la télé. C'est la soirée VIP sur la Une à partir de 20h20. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et vous repartez avec le film déjà en DVD, c'est pour vous. Merci. De rien, je vous souhaite une bonne soirée, Eric. À bientôt. À bientôt. Très bonne soirée. Demain, on met ça dans le 5 à 7, encore des cadeaux, encore un débrief de tout ce qui s'est passé pendant la journée dans l'actu sur les réseaux sociaux et vous qui ferez de la radio encore avec moi tout au long de ces deux heures. Mais tout de suite, place à de la musique. On va passer une bonne soirée avec Philippe Jonio. Bonsoir Philippe. Début de soirée. Salut Cyril, comment ça va ? Ça va super et vous ? On remis ce week-end anniversaire. Très, très chaud. C'était top. Dites, dans le tip top, dans quelques minutes, j'ai le nouveau single d'Olivia Ruiz. Non. Torride. Les paroles, c'est torride. Ah, franchement. Lady Gaga, nouveau single aussi. Tout le monde fait des nouveaux singles. Ah bah oui, et puis on arrive avec Puggy et Soul, 5e dans le classement du Tip Top, juste après les infos. À demain, Cyril. À demain, très bonne soirée, Philippe.